Volvió el spray. Un poco como así, miren nada. Sí. Puse spray por la púrpura, brillé. ¿Qué yo pensaba? Yo creo que sí, palé. Yo me palé. Puse una question. Ok, posez des questions, il n'y a pas de questions. On va dans la Bible, on va lire véritablement. Lui, ça va nous conduire à la prière. D'accord? S'il n'y a pas de questions. Franchement, j'ai une question concernant Ecclésiaste chapitre 6. Oui. Cette question-là, ça fait 2 ans que ce passage biblique-là me revient toujours à cœur. Je ne sais pas pourquoi. Ecclésiaste chapitre 6. Oui, Ecclésiaste chapitre 6. Verset 2. Oui. À partir du verset 1 à 2. Mm-hmm. C'était hier que j'ai encore vu ça très tôt le matin quand j'ai interviewé. Je voudrais savoir qu'est-ce que le Seigneur est en train de parler de ça. Ecclésiaste chapitre 6. Verset 1 à 2. Quelqu'un peut-il lire? Tu peux lire. Oui. 6 et 2, Ecclésiaste. Il y a tel homme. Il y a tel mal. De il y a tel de homme. De 1 à 2. 6, donc, pardon. Donc, hein? Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire. Mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Amen. C'est l'un des passages bibliques que j'aime. Quel est ton problème, frère? J'aimerais comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de parler de donc, ce thème-là. Donc, dis-le de façon basique. Quand tu lis, qu'est-ce que tu perçois? Quand tu lis, ça dit de premier abord, qu'est-ce que tu perçois? Je ne comprends pas. C'est comme si quelqu'un d'autre profite de ce qu'un autre. Exact, c'est exactement ce que la Bible nous dit. Regarde, il est un mal que j'ai vu sur le soleil. Salomon, quand il a examiné cette affaire, ça l'a dépassé. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne comprend pas comment Dieu lui-même est celui qui a octroyé la richesse à telle personne. Mais finalement, il coupe la vie sur la terre pour que c'est une autre personne qui profite. Et dès le départ, Salomon a commencé à se questionner par rapport à ses instruments, tout ce qu'il a construit. Il dit, ok, maintenant me voici. Tu comprends, c'est l'expérience de sa vie qu'il en est raconté ici. D'accord? Il dit que me voici, j'ai construit tous ces grands murailles, toutes ces choses-ci. J'amasse de l'or, je suis riche plus que les hommes. Comment celui qui va être après moi va faire avec ceci? Il dit que finalement, c'est vanité. Parce que tu ne sais rien. Tout est en or. Il a amassé l'argent plus que tous ceux qui sont avec lui. Mais subitement, il n'a pas assez de vie pour pouvoir jouir de cela. Il dit que c'est un mal très grave. En fait, il a dit, en toile de fond, il me dit que à quoi aurait servi tous ces efforts et tous ces biens-là pour que je ne puisse pas jouer. D'accord? Le Seigneur Jésus-Christ donc explique ici ce que Salomon dit ici dans Matthieu chapitre 12, à la Bible chapitre 12, en disant maintenant il y a un style de richesse qu'on doit être riche pour Dieu. D'accord? Ça dit que ces richesses ne donnent pas satisfaction. Voilà. Ça va, mon frère? Des questions? Vous savez, quand on parle de ces choses spirituelles comme ça dans le domaine de l'esprit, je me sens vraiment à l'aise. Parce que j'ai envie de parler des choses, on comprend. Je peux parler des choses d'une autre dimension. On quitte le cadre de la chair comme ça. Des questions, s'il y a des questions, il n'y a pas de questions, on avance. Moi j'ai des questions, mais beaucoup. Beaucoup. Ok. Donc je vois pour faire qu'on fasse après la prière. Non, c'est que ce n'est pas possible. Parce que quand on commence à prier, on ne peut pas savoir comment finir. On ne peut pas savoir comment ça va aller. C'est pas déjà prié qu'on dit que bon, mais si Seigneur, tu nous aimes. Ouais. C'est pas ça, c'est la prière, d'accord? Donc, épuisons les questions. Puis on entre dans là-dedans et puis on sort avec la prière. C'est pas ça, frère, je m'aime. T'as mis, tu as bien dormi, non? Qu'est-ce que c'est, frère, je m'aime? Ah, comme la famille est toujours utile, non? Toujours mes frères et sœurs qui sont en train de marceler, surtout l'autre là, celle-là qui marcelle toujours sexuellement. Ça va aller, d'accord. Question numéro 1. Cherchez vos questions, parce qu'on est à la 40e question, la soeur. Là. C'est bon. Je crois que vous devrez oublier la nourriture maintenant et les rendez-vous. Parce que je vois ici 25 questions. Tu en as combien même? Pour 7, on peut dire. 7. Donc, ça va faire 32. Tu as combien? C'était l'unique question que j'ai. C'était l'unique question, ok, c'est bon. Dieu merci, nous a fait une fois. Bon, la première. Oui. À sa mort, est-ce que l'homme va immédiatement au ciel, oui, ou en enfer? Bonne question. Ou bien s'il doit attendre le jugement? Voilà. On répond à ça d'abord, d'après la Bible, n'est-ce pas? La première chose à faire, à comprendre, c'est que les gens ne perçoivent pas, ils ne comprennent pas que ces dimensions, ces niveaux, les cieux sont des niveaux après niveaux. Suivez très attentivement. Quand on dit, quand vous voyez les gens sur YouTube, ils disent, quand quelqu'un meurt maintenant, il ne part pas au ciel, parce qu'il ne connaît pas ce que la Bible appelle ciel. Il ne connaît même pas comment, quels sont les différents niveaux. Le ciel, c'est niveau par niveau. Vous suivez? Vous avez vu, dans la classe 4, on a fait la coupe terrestre, en disant qu'il y a différentes discontinuités. Suivez attentivement, ça dit que lorsqu'on meurt la coupe longitudinale de la Terre, du globe terrestre, une coupe comme ça, on dit qu'il y a la discontinuité de Mohorov ici, la discontinuité de Gutenberg, les strates, c'est la Terre formée de strates en strates. De même, Paul, on a parlé du ciel. Ok, donc. Et on va... J'ai vu un homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Donc, ça, c'est... il allait jusqu'au troisième. Donc, il y a un niveau jusqu'à un niveau. Ça, c'est un domaine. Un niveau jusqu'à un domaine. C'est un autre domaine. Un niveau jusqu'à un domaine. Il y a des démons contrôlés par les démons. Les domaines d'autres domaines, que c'est les enchaînements là-bas. Sont la Bible les appelle les puits, les abîmes. Où il y a les esprits errants qui sont là-bas. Quand tu traverses, c'est pour ça que la majorité des visions qui viennent chez les dénominations, ça se trouve là-bas au deuxième ciel. D'accord? Quand tu vas voir dans ces domaines-ci là, dans ces quartiers, se trouvent les constructions que vous avez sur la terre. Avec des icônes, églises pentecôtistes ici, ça se trouve là-bas, les représentations là-bas, dans les rues, chaque rue comme ça. Là-dedans. Avec des pasteurs. Donc. Attends, d'abord, laisse-moi parler mes choses. Tu comprends ce que j'ai dit? Si, je comprends. Ok. Donc, ce niveau par niveau, niveau par niveau. Bon, maintenant, allons quelque part dans la Bible, d'accord? Commençons quelque part. Daniel. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire, ah, le ciel n'est pas encore, quelqu'un meurt maintenant, il attend dans la tombe. Oui, qu'est-ce qu'il attend dans la tombe? Et là, il faut, quand on va lire cela, il faut aussi comprendre donc les trois niveaux de corps, de l'être. Parce qu'il faut dissocier l'âme, le corps et l'esprit. Si on comprend ces choses, si on comprend toutes ces petites choses. Daniel. Daniel le chapitre 10. Donc, lorsque quelqu'un meurt, où est-ce qu'il va arrêter? Est-ce qu'il va directement au ciel? Ou bien dans le séjour? Le ciel le plus élevé, c'est le trône de Dieu. On dit le ciel, là, c'est le trône de Dieu où siège Dieu. S'il y a 44 niveaux et que le dernier niveau c'est son ciel, c'est là où il y a le trône, les autres niveaux où il a contrôle, jusque là il a toujours contrôle là-bas. À partir du niveau où c'est le domaine des damnés, à cet endroit-là, Satan est maître là-bas, de cet endroit là-bas jusqu'à sous la terre. Tu vois cela? Jusqu'à sous la terre. C'est le prince de ce monde-ci. Jésus dit, il vient. Maintenant, quand le Seigneur dit, je voyais, je crois que cette question-ci pourra nous trembler si il ne me maîtrise pas maintenant. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un astre brillant. Lui, il était où pour le voir tomber du ciel? Sous son trône. Il dit qu'il le voyait tomber du ciel comme un astre brillant. Tu comprends cela? On l'appelle donc le prince de la puissance de l'air. Alors, donc, quand quelqu'un dit, donc, quand quelqu'un même maintenant, il y a un ciel, on ne peut pas encore aller au ciel. Parce qu'il ne comprend pas ici cette autre dimension-ci. Il y a donc les lecteurs, les prédicateurs de la Bible littérale. Il y a les prédicateurs des deux dimensions. C'est-à-dire que tu comprends ce qui est ici, il y a ce qui est ici. C'est donc pour cela que cette soeur peut avoir vu les visions sans qu'elle ait lu la Bible. Et quand elle vient, ça se trouve dans la Bible. Ceux qui ont des visions de l'au-delà, qui ont de ces choses, de ceux qui sont ravis par le Saint-Esprit sans qu'ils ne lisent la Bible, ils ont du mal à se faire comprendre au littéraire. Il parle de littéraire, pas de littéraire de l'école. Littéraire, c'est-à-dire ceux qui ont appris la Bible comme ça dans le temps. Parce que tu as appris la Bible dans le temps. Dieu a mis seulement dans la Bible des séquelles, des choses qui étaient de notre dimension, pour que nous puissions percevoir ce qui est là-bas. La plus grande, c'est là-bas. Parce que là-bas, il y a des choses de notre dimension qui ne se trouvent pas. Alors c'est pour ça que quand quelqu'un y va pour rentrer ici, pour expliquer, c'est difficile. Dieu est obligé de prendre des éléments qu'il comprend dans sa dimension. Pour pouvoir expliquer cette chose. Le Seigneur dit, si je vous ai parlé des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Comme pour raison, quand je parlerai des choses, c'est très grave. Alors quand quelqu'un dit, quand on meurt, est-ce qu'on va au ciel directement? Non, on reste dans la tombe. Parce qu'il a lu quelques personnes, il a dit que l'œuvre où les gens vont entendre la tombe le souvenir, comme Jésus a dit qu'il entendra les sépulcres ouvrant et sortiront. Maintenant, qu'est-ce que tu entends maintenant quand l'apôtre Paul dit, je désire quitter ce corps et aller auprès du Seigneur? Vous entendez cela? Il dit ce qui est dans le rapport le meilleur. Il dit qu'il a le vif désir de quitter ce corps-ci pour aller auprès du Seigneur. Il n'a pas dit pour rester dans la tombe, pour attendre le jour. Là. Vous voyez, c'est autre chose maintenant. Maintenant, Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Je suis l'enseignement concernant les... Concernant le royaume perse, le royaume Java, l'enseignement que vous avez enseigné récemment, je pense en Côte d'Ivoire, vous avez parlé de quelque chose comme ça. Oui. Tout ce que vous avez dit, c'est tout ce que quand je lisais la Bible, c'est la même chose. Oui. J'étais... J'étais complètement ébloui, quoi. Et la même compréhension que vous avez expliquée à ces personnes, c'est la même chose quand je lisais la Bible, je comprenais ça comme ça. Oui. Mais tu es super alors? Bien sûr. Bon, maintenant, je vais aller brièvement, parce qu'on a beaucoup de questions à parcourir, là, et pourquoi on n'est pas beaucoup de... Pourquoi on puisse assimiler. Maintenant, ici, Daniel se trouve auprès des fleuves et desquels, et subitement, il y a une vision qui vient. La vision terrorise. Tu as lu le livre Daniel une fois, hein? Oui. Ok. Quand le chapitre 10. Tu as lu ça? Oui. Ça t'a fait peur? Oui, avec le frère. Tu as dit, ah, c'est quoi? Lorsqu'ils se sont tenus là-bas, la vision, quand la vision est arrivée, les gens ont eu peur parce qu'ils savaient que quelque chose d'étrange arrivait dans ce niveau-là. Lorsque le Seigneur a fait, pardon, le Seigneur a fait que dans la dimension physique, la dimension spirituelle, il vient. Le règne humain change. C'est ce qu'on parlait hier, on parle de... C'est comme s'il y a une pause. Où tu sais que l'environnement a changé. L'atmosphère a changé, tu ne sais pas quoi. Mais le prophète à qui la constitution, son esprit est constitué, voyait ce qui se trouvait dans cette dimension. L'ange, il y a une interaction maintenant entre l'ange. Là, je veux qu'on parle rapidement pour trouver. Et puis, je vais revenir sur ce cas-ci de la mort. Là. La Bible déclare à partir du verset 7 du chapitre 10. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision. Ça, c'est une autre phrase qui dérange. Les gens se posent la question que comment tu peux être comme ça? Je vois la vision. Tu poses la question de pourquoi tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Ce n'est pas la personne qui fait. On voit qu'il y a beaucoup de gens là-bas, mais Dieu permet que ce soit Daniel seul qui voit la vision. Les autres peuvent ressentir ses effets. Ou bien ne peuvent même pas ressentir, mais tu vois la vision. Tu es étonné que quelqu'un ne voit pas parce que tu as le devoir. Or, le vrai problème, c'est que la personne ne voit pas parce qu'il a décidé de voir. Parce que si la vision est devant toi, même si tu fermes tes yeux, si tu vois. Quand même tu fermes tes yeux, si tu vois la même vision. Donc, ça veut dire que ce n'est pas avec les yeux qu'on voit. Voilà. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Donc, quelqu'un se cache sans voir pourquoi il a laissé cacher. Je restais seul et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Vous voyez cela? Donc, au-dessus du royaume des Perses d'Iran se trouvaient donc des principautés. Ça veut dire qu'au-dessus, nous sommes sur la Perse, c'est un pays où c'est dans notre dimension. Mais au-dessus d'eux, donc ça veut dire que le domaine des principautés est divisé selon la division que vous avez sur la terre ici. Que tel continent, voici le démon qui coiffe tel continent. Vous allez voir un continent avec une caractéristique de style de péché, un style de sucre bien déterminé dans ce style correspondant à cette fichier. D'accord? Dans un continent se trouve donc encore la subdivision des pays. Comme vous voyez les documents des les territoires là, quand vous quittez ici, comme on a quitté du pays, d'un autre pays pour venir, il faut le passeport pour voyager. Pour quitter, pour traverser un territoire, il y a des droits de passage. Là-bas, c'est pas les autorités sont tellement puissantes là-bas où vous allez rencontrer quelqu'un, il se tient à la frontière. Pour passer de cette dimension à une autre, tu dois lui rendre compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les frontières sont tracées et dans les frontières sont des gardes. Comme dans la Genèse, on a mis à quoi le chemin pour bloquer le chemin de l'arbre de vie, quoi, des chérubins. Vous comprenez cela, hein? Donc, c'est eux qui gardent, les gardiens de cet endroit. Pour que tu passes pour aller, il faut que tu aies l'autorisation. Tout ce qu'on fait sur le plan, c'est les répliques. Vous savez, dans cet enseignement, on parlait de l'autorité. Il y a toute autorité a une notion derrière, une représentation quelque part. C'est ça dont je t'en ai parlé. Alors, lorsqu'on se trouve dans cette dimension, on commence à voir donc que sur la terre se trouvent donc des représentants de cette dimension-là. Et l'ange ici vient donner le message à Daniel. Il donne le renseignement que ça fait 21 jours qu'on lui a donné les résistances pour qu'il ne vienne, pour qu'il n'entre pas dans cette dimension. Donc pour quitter, il quitte le ciel, parce qu'il ne se trouve pas dans le ciel de ces princes-là. Pour traverser, il lui faut l'autorisation. Or, Dieu est la toute autorité. Là, il a fallu la bagarre parce qu'il n'a pas besoin de conduire. Parce que si un homme veut donner l'autorisation à Satan, aux anges démoniaques, il ne donnera aucune autorisation. C'est Satan qui donne l'ordre. Celui-là va rester là-bas, il va envoyer à la hiérarchie pour dire, il y a quelqu'un ici qui veut traverser pour aller sur la terre. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Satan dit, combat jusqu'à ce que le sang coule. Que le sang des anges coule là-bas. Ça bagarre, ça engage là-bas. Quand ça engage là-bas, il y a des répercussions sur les nations. Deux esprits qui se bagarrent en haut, et les répercussions sont sur les nations. Maintenant, il vient, il traverse, l'ange traverse, maintenant, il vient, il dit, je m'en vais, il dit, verset 14, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je me dirigeais mes regards vers la terre et j'ai gardé le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, et j'ai parlé et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli du froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Vous voyez ce que la vision peut connaître qu'on fait, n'est-ce pas? Quelqu'un sur la tête qui vient être rempli du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit toujours. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la peste. Il se trouve sur la terre, au bord du fleuve. Il dit, je m'en retourne. Tu vas quitter cette dimension, c'est pour aller. Et quand il parle, le combat continue. Il dit, et quand je partirai, voici le chef des Javans viendra. Le chef de Javan vient. Il dit le chef de Javan. Il dit qu'il quitte pour aller combattre le chef des Perses. Mais quand il va partir, le chef de voisin Javan viendra. Donc il vient dire il y aura renversement sur le plan spirituel. C'est désormais maintenant Javan, celui qui commande Javan, qui va entrer en sorte. Et quand le Javan, les esprits, le chef de Javan va être là, sur la terre se trouve dans la Grèce qui entre en possession du royaume terrestre. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Les gens sont sur la terre, ils disent que non, la démocratie, on a l'Assemblée nationale, c'est nous qui votons les lois. Nous allons changer, nous allons voter telle personne sera président. C'est pas comme ça, c'est là, ça se décide. D'accord? Mais de toute façon, c'est pas là le problème. Mais ce que je veux faire qu'on comprenne maintenant, c'est que nous avons au-dessus de nous des différentes choses que bien nous ne maîtrisons pas dans notre dimension. Et donc là, si les gens sont ici et qui ont des représentations ici sur la terre, leur mot sur la terre a une implication de l'endroit où ils partent. C'est pas ce que vous me comprenez. Matthieu chapitre 17, lisons quelque chose encore. Matthieu chapitre 17. Non, tu ne t'aimes pas là-bas, tu demandes le verset. Mon frère. Oui. Allons-y à haute voix, mon cher. Le verset premier. Oui, à partir du verset premier. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à Lucas sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devint blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Quand il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fut entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ok. Alors maintenant, dans Luc chapitre 9, vous avez su bien ce qui est écrit, n'est-ce pas? Alors dans Luc chapitre 9. Verset 28 et suivant. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, le renseignement nous est donné, nous est précisé ici dans Luc, alors qu'on n'a pas dit cela dans Matthieu. On dit que deux hommes sont apparus dans la gloire. Ça commence à poser problème. Apparu dans la gloire et s'entretenant à l'heure de son départ à Jérusalem. Donc Moïse et Élie venaient pour parler à Jésus de ces choses-là concernant ce qui arrivait à Jérusalem. Mais où se trouvait-il lorsqu'ils conversaient? Où donc se trouvait-il? Dans une montagne. Donc Élie a quitté, Moïse ont quitté la dimension. Ils ont quitté le ciel et sur la terre et causé avec Jésus. Ok, continuons la lecture ici. Verset 32 et 33. Pierre et ses compagnons étaient à... Tu continues ou je continue? Allons-y, lisez. Apesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparèrent de Jésus, Pierre lui dit, Maître, est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils Élie, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Donc nous voyons effectivement que il y en a beaucoup de choses à développer là-bas. Vous voyez que ils commencent à entrer dans la confusion parce qu'ils sont des chairs, ils sont des vivres, des choses de l'esprit, pas endormis. Ce qui fait qu'ils ont été transportés dans une autre dimension. Et là, c'était Élie et Moïse. Je vais vraiment y revenir maintenant. Maintenant, dans cette dimension-ci, une nuée vient le couvrir subitement la splendeur de le Seigneur. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 17, on parle de lorsque la gloire sur la montagne sainte. Lorsqu'il se trouve dans cette dimension, il ne se trouve ni sur la terre, parce que sur la montagne, là, ça les a transportés, ni sur la terre, ni au ciel, parce que la voix encore parle à partir de la nuée, donc derrière la nuée, en disant que celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis tout mon cœur, écoutez-le. Donc il se trouve dans une autre dimension. Et le Seigneur Jésus va leur donner en descendant que garder cette vision n'en parlait à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Maintenant, d'où viennent Élie et Moïse? Allons-y. La question, suis bien ta question. Quand quelqu'un meurt maintenant, est-ce qu'il va au ciel directement voir ses juges des morts? Nous savons que Élie, lui, n'était pas mort. N'est-ce pas? Allons-y voir Moïse. Deutéronome chapitre 32. Alors, chapitre 32, au chapitre 32, il va donner ses ordres, et au chapitre 33, il va donner les cantiques de Moïse pour donner les prophéties à Israël par rapport à tout ce qui devait arriver dans la suite des temps. Alors, chapitre 34 maintenant. Écoutez, à partir du verset 1. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisgah, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Arrêtons d'abord là-bas. Vous voyez ce qui arrive dans la vision. Comme quand la sœur raconte, elle dit qu'un écran est apparu devant lui, il a vu quelqu'un apparaître. Ça, ces choses-là, avec votre interprétation moderne, vous pouvez comprendre. Parce que vous avez la télévision devant vous, vous savez que la seule chose comparable, c'est la télévision. C'est comme un écran. Eux, ils ne peuvent pas raconter ça comme ça. Parce qu'ils n'ont pas la télévision sur le plan physique. Tu comprends cela? Toi, maintenant, tu peux comprendre mieux que Moïse. Tu peux voir, quand tu as la vision, tu peux savoir ce que Moïse a vécu. Parce que comment quelqu'un monte sur la montagne, on lui montre tout le pays. On monte tel pays, on lui montre tel pays. Ça apparaît sur l'écran. D'accord? Donc, eux, ils connaissaient ce que la télévision, sans connaître le nom. Parce que c'était dans la dimension spirituelle, mais ce n'était pas encore ici. Maintenant, comme nous avons l'écran, plasma et autres là-bas, on peut voir maintenant, on peut donc comprendre comment ça se passe. Tu peux donc dire, j'ai vu une vision, ça apparaît comme un écran. Tu vois la chose se dérouler, tu vois comment telle personne allait être à l'endroit. C'est comme ça qu'eux, ils voyaient. D'accord? Continue, mon frère. Le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Judas jusqu'à la mer occidentale, le Negev, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des Palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Donc, ça veut dire qu'il a vu, même si tu montes sur le plus haut de sommet, tu ne peux pas voir tout un pays. Même si tu es dans l'avion, tu ne peux pas voir tout un pays. Mais il est resté dans la dimension, parce que la Bible déclare qu'il est monté sur la plaine des pistes là-bas. Il s'est tenu là-bas à l'intérieur. Dieu zoomait. Il zoome, il monte la frontière, il zoome. Il monte Neftali, il zoome. Il regarde, tu as dit, oui. Abraham lui est allé à pied en parcourant là-bas. Il est resté sur le mont, il a vu tout là-haut, il a mis les pieds. Ça, c'est pour ça qu'il y a des choses dans l'autre dimension qui dépassent notre compréhension. Maintenant, dans la Matthieu chapitre 4, la Bible explique que Satan, lui, le diable a transporté le Seigneur sur une autre montagne chaque fois. Quand on parle de haute montagne chaque fois, ça a une autre connotation. Une autre montagne, une montagne en un instant. Toutes les nations de la terre avec leur gloire. Quand on dit toutes les nations, ça veut dire toutes les nations. Initialement, il y a le pays Cameroun n'est pas le Cameroun. Oui, il a vu le monde, non seulement le monde entier, mais ça a défilé sur toutes les époques qui ont se passé sur la terre. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'il a vu toutes les civilisations. On a dit toutes les nations de la terre et leur gloire. D'accord? Il a vu l'ancien Égypte, il a vu Nebuchadnezzar, il a vu tel chose, il a vu Cameroun, il a vu même le règne de Hassan de Mohamed V, ainsi de suite. Il a vu tout cela, jusqu'à même celui qui va venir jusqu'à. Satan lui a montré. C'est Satan qui lui a montré. Ça doit nous faire réfléchir. Continuons, mon frère. L'Éternel dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a enseveli dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Oui. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Ça pose problème. Donc, le croque-mort au temps de Moïse, par rapport à moi, c'est qui? Le morguier, c'était qui? Le Seigneur. Qui a creusé sa tombe? Le Seigneur. Qui a enterré? C'était là-bas. Alors, on a dit que monte, tu y mourras. Au chapitre 32, il va dire que quand Joseph fils de Nun, impose-lui les mains. Car celui qui prend sa tombe, tu vas monter, tu vas mourir, n'est-ce pas? Ok, il meurt donc là-bas, sur le mont Pisgah. Ils vont pleurer pendant 30 jours, pleurer Moïse. Allons dans le livre de Jude. Ouais, comment une seule question peut nous amener partout là maintenant. Il ferait mieux les fêtes de pour aller droit au but avant d'avancer ici. Maintenant, pendant que vous allez, juste c'est tout avant Apocalypse là. Avant qu'on y arrive, même le fait même que je cite le livre de Jude, du prophète Jude, ça nous pose d'abord un problème. On parle de la mort de Moïse, ça s'arrête dans la Bible. Subitement, il a écrit une lettre. Après, il dit, verset 9, il a écrit sa lettre. Hein. Écoutez, regardez le pertinence de la plume. Il a écrit, il a raconté une histoire. Allons-y, verset 9, après verset 9, il dit, au verset 9, il arrive, il dit quoi? L'archange Michel. Oui. constater avec le diable. Contester. Contester, pardon, oui. Avec le diable et lui disputer le corps de Moïse. Nous a pas porté contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprenne. Qu'est-ce que ça a à voir avec la lettre qu'il a écrite ici? Ce verset s'est enlevé de la Bible, on ne dira plus jamais rien de Moïse jusqu'à Matthieu chapitre 17, comme nous avons lu là sur la montée des transfigurations. Alors, selon nous, une fois, ils ont parlé de Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, les morts sont morts, ils ne vont plus rien en faire, tout ce qu'ils font sur le soleil. Jude, comment il fait pour savoir qu'il y a une discussion sur le corps de Moïse? Comment? Il dit même la personne qui discutait, il a même vu la discussion. Il a même entendu le sujet de palabre qui s'est posé. La question en fait qui se passe derrière, c'est, on a dit clairement dans Exode chapitre, dans Deutéronome chapitre 34, que Moïse a été enterré. Et son sépulcre, personne ne connaît son sépulcre sur ces jours. La deuxième question, c'est, on dit, il disputait le corps de Moïse. On dit, c'est l'archange Michel qui est venu pour prendre le corps de Moïse et Satan lui faisait opposition. Il partait où? Avec le corps de Moïse. Il partait où avec le corps de Moïse? Parce qu'il ne pouvait pas rester là. On a dit le corps de Moïse. Maintenant, Jésus nous donne cet exemple dans Luc chapitre 16 où les anges ont porté quelqu'un dans le sein d'Abraham. Vous voyez cela, frère? Voilà. Quand ils portent quelqu'un dans le sein d'Abraham, vous allez dans la tombe, vous voyez quoi dans la tombe? Si vous creusez la tombe, vous allez voir le corps. Alors, qui est-ce qu'on a amené dans le sein d'Abraham? L'âme. Ça veut dire, les trois parties constituant des lettres ont trois destinations différentes à l'issue de la passation de cette dimension à une autre. Parce qu'on n'a pas dit, il a dit, de la poussière tu as été tiré, tu retourneras à la poussière. Il parle à l'homme animal. Alors, au corps animal, parce que le corps animal qui a été tiré de la poussière. L'image de Dieu n'a pas été tirée de la poussière, donc on ne peut pas retourner dans la poussière. C'est n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que ces choses, il faut qu'on aille vraiment doucement. Maintenant, lorsque il quitte cette dimension-ci, en couchant là-bas, les gens pleurent, peut-être le corps est couché. Pendant que vous allez pleurer comme ça, là, c'est vous qui pleurez. Parce qu'en fait, il y a l'absence, il y a eu des souvenirs, des relations qu'on a eues peut-être. Et puis là, vous voyez la personne inerte. Quand la personne est inerte comme ça, là, la personne devient conscient dans une autre dimension. Et même, il au milieu de vous, très souvent, écoute ce que je fais, se sent à l'aise pour quelqu'un qui a été chrétien, pour celui qui a été méchant, souhaiterait rentrer à l'intérieur pour dire que bah, vous ferez mieux de changer parce que c'est fort de l'autre côté là. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Et chaque fois, il y a un tunnel qui les accueille, un tunnel qui aspire, soit pour monter, soit pour pousser vers le bas. Un tunnel. D'accord, mes frères? Donc maintenant, mais il y a un temps toujours qui est mis entre le décès de la personne et le sort. C'est pour ça qu'on parle souvent des résurrections, il y a des gens qui meurent et qui reviennent à la vie. Parce que là-bas, Dieu le fait entrer pour que l'âme puisse faire entrer dans le corps. Ça, c'est la puissance de Dieu. Satan n'a plus cette puissance-là. C'est ici donc la force de Dieu. C'est-à-dire que si l'âme est déjà séparée du corps, il n'y a que lui qui peut faire venir cette âme-là dans le corps. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, pour que Satan fasse venir ça dans le corps, il faut qu'il soit Dieu. Et comme il ne peut pas être Dieu, il ne peut pas faire venir ça dans le corps. C'est seulement Dieu. Donc, vous avez lu Hébreux chapitre 4, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que l'épée et le corps, séparant âme et esprit. C'est dans ça. Il ne peut pas faire venir l'âme. Quand il peut pas faire venir l'âme, c'est qu'il va ressusciter les gens, les anges, comme ça, pour qu'ils conduisent en eux. C'est Dieu la résurrection. Oui, Jésus dit, je suis la résurrection. Satan ne peut pas singer l'autre là. D'accord? Alors, lorsque Dieu fait ces choses, et nous les montre dans la Bible, c'est pour nous montrer que nous devions avoir confiance en lui. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Maintenant, regardons leur destination. Apocalypse chapitre 14. Ah, j'aurais souhaité vraiment garder le temps. Oui, à chaque fois, il y a seulement les jalons qui mettent. Moïse est dans où? Pendant que vous ouvrez Apocalypse, il se trouve où? Il se trouve au séjour de mort. C'est quand on a dit qu'il est sur la montagne, oui, il donne le conseil à Jésus-Christ. Quand tu parles de Jérusalem, tu ne sais pas ce que les gars là ont fait. Tu te souviens quand il était dans le désespoir, ils ont savait me faire, non? Non, mais dans le séjour de mort, si je vois bien, la personne avait une capacité de revenir. Oui. Le cas, par exemple, de Luc chapitre 16. Non. De Saoul, lorsque ils sont partis on va voir cela avec la ligne de démarcation qui a eu lieu, d'accord? Libérons va donc voir cela. Avant le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant le Seigneur, c'est ce que je dis. Oui. Avant le Seigneur, il part pour le Seigneur du monde. Mm-hmm. Là-bas, ils pouvaient avoir l'accès au revenu. Oui. Après la résurrection de Jésus-Christ, on voit que ça a été supprimé. Ça a été supprimé. Et ça a été supprimé. Oui. Actuellement, c'est... Oui. Ça, c'est pour les gens. Pour les gens qui croient. Oui, oui. Les autres, ils vont toujours là-bas, n'est-ce pas? Les autres, ils vont toujours. Voilà. La partie qui était réservée, donc le séjour des morts était subdivisé. Ah, mon Dieu. Donc, le séjour des morts était subdivisé. Avec une limite, d'un côté, pour les gens qui étaient méchants, de l'autre côté. C'est ça, quand les gens n'ont pas compris, je vais dire que si le séjour des morts est un endroit qui brûle, Job ne veut pas souhaiter y aller parce que Job va dire que je vais descendre le séjour des morts. Parce qu'en fait, on descendait le séjour des morts. Mais il a été séparé pour les bons et pour les méchants. Parce que dans Luc chapitre 16, cet homme-ci dit, je souffre cruellement dans cette... On dit, étant dans le séjour des morts, il soufflait cruellement dans cette flamme. Mais l'exemple dont tu as dit, dans Samuel, il a dit, pourquoi tu me trouves dans mon repos? Ils étaient dans le séjour des morts, l'un se repose, l'autre souffre. Tu vois cela, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, lorsque le sacrifice a été donné et que c'est le lieu de repos perpétuel, a été supprimé pour montrer dans le lieu de repos qui était permanent, plus meilleur que cela. Les gens qui sont et qui font alliance à partir de 600 ans ne descendent pas, ils montent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'on dit qu'il a traversé le ciel pour inaugurer une route nouvelle au travers du voile de sa chair. Donc quand vous entrez dans le voile de la chair de Jésus, vous montez plutôt un peu plus descendre. Parce que quand il est descendu pour remplir tout, et ce qui est en bas, il dit quand, et quand il est monté, Ephésiens chapitre 4 nous dit, il a amené le captif. La version d'Abbé dit qu'il a amené captivité, il a amené captive la captivité. En fait, c'est encore, ça double. Il a amené captivité la captivité. Donc, ce qui gardait les gens captifs, ce jour-là, il l'a amené. Et puis, maintenant, il a fait le don homme. Très bien. Non, j'ai bien compris ma question. Oui. Maintenant. Donc, on peut arrêter maintenant. Là, oui, là sur l'enfer, le sel, j'ai compris. Maintenant, on peut s'attendre. Maintenant. Donc, on comprend dans Acte chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, 13. Non, on veut juste conclure du bon. Ok. Il n'y a pas seulement pas conclure. Mm-hmm. Et cette personne, après ces étapes, est-ce qu'il a. Parce que dans Apocalypse 21, on parle du jugement dernier. Voilà. Non, lui, il ne vient pas là. Donc, le chrétien, chrétien c'est un conseil pour le chrétien. Comment tu vas juger quelqu'un deux fois? Donc, le jugement, c'est justement à cause des témoignages que tu n'as pas reçus. Pour te servir du témoignage, après quoi viendra la fin. C'est pour ça qu'il faut, il faut comprendre bien ces choses-ci. Voici encore une chose qui rejoint le fait que quelqu'un ne peut pas perdre le salut. En comprenant cela, tu vas comprendre. Lorsque tu as cru au Christ, le fait que tu crois à Christ, la Bible dit... Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, encore en clair, Christ a porté notre jugement. D'accord? Parce que c'est les conséquences de tout ce qui nous serait reproché devant le trône. Comme il a été jugé, donc. Puis, la Bible nous dit, dans notre volet, que nous avons été jugés non coupables. Donc, nous sommes justifiés. Quand tu es justifié, tu n'as pas de problème d'abord. Il y a pas, tu parles de problème, tu n'as fait quoi? Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Mais étant en vie actuellement, si je vois bien, le jugement donc, d'un chrétien, ça se passe lorsqu'il est vivant. En fait, le chrétien est déjà jugé. Il est aussi dans le jugement. Jean chapitre 3. Non, je veux dire. Parce que Paul, Paul dit que... si nous nous jugeons nous-mêmes, si nous jugeons, nous ne serons plus jugés. Il dit que nous combattons dans la justice. Mm-hmm. Mais pour qu'il y ait justice, il doit y avoir quelque chose d'injuste. Oui. Donc, pour cela, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui fait qu'on puisse faire à ce qu'on soit dans la justice. En fait, c'est pour ça que c'est une vie. Maintenant, on commence à vivre dans la justice. Okay. Parce que la justice est perfectionnée dans notre vie. Par conséquent, nous marchons maintenant dans la justice. C'est parce que Christ est notre justice. D'accord? Nous justifions par nous-mêmes, par notre propre justice. Mais c'est par la foi que nous marchons dans cette justice-là. Par conséquent, la justice devient maintenant notre style de vie. Mm-hmm. Tu comprends bien, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est pour cela que quand j'entends des choses, des gens disent des choses. Et quand quelqu'un dit, si tu es justifié de la bonne façon, tu produis les œuvres de la justice. Mm-hmm. C'est ça, vous savez, dans les enseignements, je dis souvent, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, quand tu fais la grâce présidentielle, c'est parce qu'initialement, tu es en prison. Tu es en prison, captivité. On lui dit, ok, mais non, le président dit par décret présidentiel, il libère tel prisonnier qui ont fait telle ou telle chose. Ou bien tel qui ont fait telle. Il vous libère. Tu marches en route. Si tu marches en route, le magistrat qui t'avait mis en prison dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Et je t'avais mis en prison. Je ne suis plus condamné parce qu'on m'a justifié. Mais il y a l'acte de, vous appelez l'acte de condamnation là-bas qui... Non, non, ce qu'on a condamné, c'est vraiment écrit là-bas. Mais on a justifié. On dit que son cas judiciaire, ça veut dire que c'est annulé. Pourtant, sur le plan physique, il avait fait ça sur la main. Quand il sort là, il a un style de vie qui doit marcher conséquemment par rapport à la justification. C'est ça dans le style de vie. Et ça, il faut qu'on explique vraiment ça aux chrétiens, d'accord? Maintenant, c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Matthieu chapitre quoi? C'était Apocalypse chapitre 14, verset 13. Qu'est-ce que ça dit là? Et j'entendis. Oui. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Donc la Bible est claire, les chrétiens se reposent. Les œuvres les suivent. Maintenant, Jean chapitre 3. Verset 16, 17, 18, 19. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Tu as entendu ça? Vous entendez ça? Celui qui croit en lui n'est point jugé. Oui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Parce qu'en fait, Jésus avait dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous périrez dans vos péchés. Parce que c'est ça qui va vous conduire. Parce qu'il va falloir que vous admettez que je suis là pour vous libérer. Vous admettez ça, c'est pour vous. Vous n'admettez pas, ça cale sur vous. Donc un chrétien ne passera jamais devant le jugement. Parce qu'il part pour se reposer. Il va seulement entrer maintenant cette fois-ci dans la joie de son maître. On appelle ça la récompense. D'accord frère? D'autres questions, c'est bon. Je rêve seulement de vraiment se décréser là-dedans pour avancer. Donc, mais fondamentalement, les cieux sont divisés en plusieurs catégories, en plusieurs niveaux. Et il y a un niveau de ces cieux contrôlés par le démon, le domaine. Et c'est quand l'église montre qu'on descend totalement pour investir le camp ici. Parce que ici, sur la terre, la discussion, c'est ici. Ils seront là physiquement. Ils ne vont plus apparaître dans la chambre pour venir t'éclater avec les dents. Non, non, non, non, non. Ils vont venir physiquement, même en plein jour. Enfin, parce que le jour sera les ténèbres. D'accord. Oui. Donc j'avais beaucoup de questions, mais je vais. Tu avais dit 7, non? Oui. Alors, non, allons-y. Nous sommes là pour ça. La première question pouvait résumer déjà les autres. Ok. D'accord. En fait, la dernière. J'ai une question qui est, c'est-à-dire, qui a un rapport avec ce qu'il avait posé. Oui. J'aimerais juste savoir, est-ce que les prières qui se font devant la défouille en Israël? Ça n'a aucun effet. C'est une abomination. Tu pries. Vous savez, il y a un enseignement que je suis allé prêcher dans une morgue là, au Cameroun. Mais c'était fort. Ouais. Mais il fallait dire la vérité droit, parce que c'est l'occasion où jamais de dire la vérité aux gens. On est allé à la morgue, on a traité le corps. D'abord, le morgue m'appelle que je vienne à l'intérieur de leur corps, qu'il vienne dire les prières. il dit que ça se passe comme ça. J'entre. On met le corps, on met les gants dans le corps. J'entre à l'intérieur, on lave le corps. J'entre, il me tient là-bas. Il dit que vous dites une prière de ça. Il dit, ok Seigneur, j'ai prié que tu dois assister de comprendre que c'est le chemin de nous tous. Au nom de Jésus, Amen. Il dit Amen. Il sort, on se retrouve, on porte nos mains dans le cercueil, on dépose là-bas. Là où ils ont fait un endroit où on prêche là-bas. Je me suis mis à côté du cercueil, il met mes mains comme ça sur le cercueil. Il me regarde. Les gens pleurent. Et attend, il finit de pleurer. Et même moi sur le cercueil. Il dit, je suis sûr que vous attendez à ce que j'ai fait des prières sur lui en donnant les trucs, mais que non. Purgatoire. Ouais. Il n'y a pas cela. Lui, je vais vous dire, c'est que si lui avait été sur la terre ici, il vous aurait dit cela. Vous, ce corps s'est couché ici, comme ça vous interroge. Si il fait ces choses, il fait la prière, je serai plus coupable devant Dieu. Je leur ai dit, il faut dire là la vérité. On va faire les prières parce qu'on fait comme ça là. On n'a pas, quelqu'un va prendre l'eau, comme ça là. Que la terre de nos ancêtres, lui soit en paix. Ça se passe comme ça. La Bible a dit ici que la seule façon d'être en paix, c'est d'être chrétien. Parce que heureux dès à présent le mort qui meurt en Christ. Si tu es en Christ, c'est terminé. C'est ça le problème. Si tu n'es pas en Christ, que tu aies fait n'importe quelle bonne œuvre, la terre de nos ancêtres ne te sera jamais légère. En fait, quand tu as traversé, tu vas voir que ce n'est pas la terre dont tu es question. Maintenant, pour des gens qui sont morts sans connaître Christ, par exemple. Je prends par exemple le cas de nos arrière-parents. C'est-à-dire que ceux qui sont morts sans avoir connu, sans que Christ soit encore là, ou bien que Christ est mort et qu'il n'ont pas encore eu l'évangile. Mais ces gens, ils sont morts, mais sans connaître Christ. Oui. Mais ils sont morts dans la foi catholique. Oui. Ils sont morts dans la foi catholique. Oui. Maintenant, le jour du jugement, seront-ils sauvés ou seront condamnés? La Bible déclare qu'on est sauvé par la foi en Christ Jésus. Amen. Et ces personnes, s'ils n'ont pas eu la foi en Christ Jésus, ils ne sont pas sauvés. Mais par exemple, dans les années 30, prends même avant, Jésus n'était pas prêché dans justement, la Bible déclare que ce, Romains chapitre 2. Ceux qui sont non, laisse. Non, Romains chapitre 2, prends la main. Romains. Oui. Non, les temps d'ignorance, il n'y a pas de problème, continuons d'abord. Vous allez défendre les morts d'avant Jésus. Prenons la barre. Moi, allons-y à partir du verset 2. Hein. Romains 2, verset 2. Non, prenons à partir du verset 12 même. Allons-y. Verset 12. Oui. Tous ceux qui ont péché. Attends que les gens toujours trouvent, il faut qu'ils aient ça devant les yeux. C'est que tu sais que tu es l'insomne d'habit, non? Romains 2. Verset 12, qu'est-ce que ça dit? Écoute, Satan, toi-même tu vas lire, tu vas nous dire ce que tu as compris. Hein. Oui. Allons-y. Tous ceux qui ont péché sans la loi paieront aussi sans la loi. Oui. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Qu'est-ce que tu dis, ce que tu as lu? Ce que j'ai compris, c'est que les gens qui meurent sans la loi seront jugés sans la loi. Donc, ça nous va passer au jugement. Oui. Or, le chrétien ne passe pas en jugement. Oui. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire. Il y a de façon exprès dans le plan de Dieu cette zone tampon là dont tu parles. Parce que quand Christ est à Jérusalem, il a lieu de marcher sur la terre lui-même en personne. Des années de son ministère, il est conscient qu'il y a des pays. Il n'y a pas qu'Israël sur la terre. Oui. Il a d'autres pays. Est-ce qu'il est là en Égypte prêcher? Non. Pendant qu'il prêchait, les gens ne mouraient pas. Hein? Okay. Pendant qu'il était sur la terre, les gens entendaient les évangiles à Jérusalem et autres là-bas. Même parmi eux, pendant qu'il était en Samarie, les gens mouraient en Galilée. Sans avoir écouté. Donc ne crois pas que c'est seulement les Africains qui ont des problèmes. Même depuis ce moment-là, ils avaient eux-mêmes aussi des problèmes. Pendant qu'il était là, il y avait le continent européen. Parce qu'après, quand il est mort, la peuple est allée en Italie, en Espagne. L'Espagne que vous avez ici aujourd'hui à côté de vous. Donc les gens mouraient, n'est-ce pas? Maintenant, ne quittez pas ces versets parce qu'après, on va continuer par la suite. Il dit maintenant, ceux qui sont morts sans la loi seront jugés sans la loi. Donc on n'a pas dit, il était écrit. Pourquoi tu as fait telle chose? On ne nous pose pas ces questions. Donc il y a notre jugement, il faut donc juger cela. Parce que la loi de Dieu a été écrite partout. Dans le cœur des gens. Ça, ce qui est littéral, c'est pour qu'on prenne connaissance. Pour lever, oui, mon cher. Par exemple, dans l'histoire de Noé, oui. comment la nudité de lui a pu constituer une offense? Une offense, c'est une modération. Voilà. La loi, ça n'a rien à voir avec la loi sacrificielle de Moïse. Puisqu'il n'y a jamais eu ça, tu ne peux pas. Ça a été avant, plus c'est la science de Dieu. Voilà. Tu voulais dire quoi? Au jardin d'Éden, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça veut dire que ce que vous avez ici, le livre qui est dit ici, c'est le sommet de cette loi-là. C'est écrit afin qu'il nul n'en ignore. D'accord? Bon, maintenant, il dit, ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi. Et ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ok. Ça veut dire que si tu pêches sous la loi maintenant, on te pose la question maintenant, la loi avait dit tes choses, pourquoi tu fais cela, n'est-ce pas? Maintenant, si on va au jugement, vous allez voir que c'est amusant. Ça veut donc dire, vous pouvez me permettre de m'en parler, sans qu'on me regarde bizarrement, n'est-ce pas? Bon, je vais parler quand même. Yes. Vous permettez qu'il parle, frère. Allez-y, que vous le vouliez ou pas, ce que vous devez faire ou ne devez pas faire sont écrits dans vos livres. C'est pour ça qu'il dit que vous prêtez votre attention, toute l'attention. Ce que vous devez faire, c'est-à-dire, voici la Bible que j'ai entre les mains. La Bible, si, ça, c'est pour Dieu. Tu as ton livre à toi. C'est ce que tu dois faire et c'est ce que tu ne dois pas faire. Hormis la Bible. Vous me suivez là maintenant, c'est vrai? Ok. Et donc là, si j'ai plutôt la Bible et que je vais lire, waouh, je prends le renseignement, il dit qu'à celui qui a, on donnera. Celui qui n'a pas, on donnera. Et on va exiger davantage à celui à qui on a beaucoup donné. Ce sont ces choses que le Seigneur parle. Donc si je connais la Bible, en dehors de ça, c'est plein même dans ces Romains, chapitre 12, 2, comme tu viens de voir. Il dit, toi qui t'es fait enseignant, tu enseignes les autres et tu ne t'enseignes pas toi-même. Parce que tu as dans la loi la règle et la science. Et on connaît ces choses-là dans la loi. D'accord? Il dit, maintenant tu dis aux gens, tu n'es pas commis adultère, tu commets adultère. Il dit, à cause de ça, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. C'est donc pour ça que le Seigneur dit que les enseignants de la Bible seront jugés plus sévèrement. Amen. Parce qu'ils connaissent ce qui s'enseigne pas et tout fait. Et la Bible en préfixe par rapport à cela. Donc maintenant, si je n'ai pas cette Bible-ci, Verset suivant. Oui. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont... Écoutez, écoutez maintenant, écoutez très attentivement. Quand les païens qui n'ont point la loi... Stop. Quand ils disent qu'ils n'ont point la loi, gardez toujours à l'esprit que l'apôtre Paul a décrit aux juifs qui avaient la Torah. Il a expliqué les païens, c'est-à-dire que les gens de ce genre du monde, ils n'ont pas la loi écrite. Donc, ils ne connaissent pas ce que Dieu a le droit d'exiger. Il dit quand les païens qui n'ont point de loi, donc la loi dont tu parles ici, c'est la Bible que les Moïse et Aude avaient laissée. Il dit quand les païens qui n'ont pas ça, continuons. Font naturellement ce qui prescrit la loi. Stop. Donc ça veut dire que de leur côté, ils font certaines choses que la loi a dit et qu'ils n'ont même pas vu. Vous voyez cela? Les païens, oui. Les païens, ils font ce que, quand ils font cela, ils viennent, il n'y a pas besoin de dire dans la loi de Moïse, on dit, hey, c'était écrit là-bas. Ça commence à poser problème. Allons-y. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Vous entendez ce que le prophète dit? Ils sont eux pour eux-mêmes une loi. Oui. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Vous avez entendu ça? Que l'œuvre, pas la loi, l'œuvre de la loi est écrite où? Dans leur cœur. Leur conscience est jugeant et se défendant tour à tour, n'est-ce pas? Maintenant, allons-y directement verset 16. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes. Les actions secrètes. Ça va paraître au jour du jour. Lis dans la version de Tom Sommer, vos frères. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de cacher quoi que ce soit, les actions secrètes. Maintenant, quand on voit donc le jour du jugement, ou jusque parce qu'on dit que c'est jugé par Jésus, si nous allons dans Matthieu, chapitre 20, on le voit s'asseoir, on dit que des morts vont ressusciter, chacun va se tenir, on dit des livres furent ouverts. Ouais, cela n'est-ce pas? Il y a un livre que, si c'est la condition sine qua non, si tu n'es pas là-bas, tu es d'abord disqualifié. Donc, si tu n'es pas là-bas, on ne peut pas t'ouvrir ton dossier. On dit qu'un autre livre fut ouvert, celui qu'il appelle le livre des vies. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans ce livre-là fut jeté dans les dents à dents de feu. C'est terrible, c'est la frisson, ça. Oui. Maintenant, tu te tiens là-bas devant. On dit des livres furent ouverts. Ces livres-là viennent d'où? Et on dit, et chacun fut jugé selon ce qui est écrit dans ces livres-là. Oh frère, l'humanité est mal barrée si on ne revient pas à Christ. Si on ne revient pas à Christ, quelqu'un va dire, oh je suis bien. Mais ce n'est pas le rapport qui se trouve là-bas dans les bibliothèques célestes. Les choses sont notées de toi. Dans la minutie, les choses, les actions quoi? Secrètes. C'est-à-dire que tu restes frère, tu es seul comme ça, assis au milieu des gens, tu es en train de commettre des péchés dans les pensées secrètes, dans l'intimité de ton cœur. C'est noté là-bas et gardé contre toi. Ouais, qu'on n'est pas libre, n'est-ce pas, frère? Donc, ça veut dire que la seule force, c'est reposer en Christ pour la justification. Alors, donc, il y a des livres qui sont écrits pour que nous accomplissions des choses. On peut avoir accès à cela facilement, de toute façon. Donc, tu vois, on continue comme ça, c'est bon pour cela. D'accord, mon cher? Donc, ma dernière question, bon, ça c'est me concerne, parce que bon, déjà aussi que pour l'avoir. En fait, si vous pouvez expliquer Hébreux 6, 4, oui. Wow. Et aussi expliquer Hébreux 10, 26. Il y a deux choses qui m'intriguent là-bas. Oh, je comprends. Ça me concerne. Oh, ça te concerne. Hébreux chapitre 6, verset 4, où on dit qu'il est impossible à ceux qui ont goûté au don céleste, qui sont tombés, soient ramenés plus à la repentance, puisqu'ils sont crucifiés pour leur part, le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Même chose encore répétée là-bas, dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 26. Vous avez déjà ça devant vous? Non, allons-y, ouvre ma chaîne. Quand tu as abordé ces passages, ces deux passages, quelle était ta pensée? Ma pensée? Mais. En rapport, c'est parce qu'il y a Hébreux 6, 4, qu'on va voir aussi dans Hébreux 10. Oui. C'est presque pas la même chose. Même là-bas, comme s'il y a la thèse et l'antithèse. Oui. Bon, moi, la manière que j'ai compris cela, c'est que un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, mais à un moment donné, il se retrouve parfois sous le péché. Sous le péché. Oui. Et il se demande, est-ce que c'est moi, baptisé du Saint-Esprit, Dieu m'a point et se retrouver dans le péché. Alors la solution, c'est comment revenir à... Là-bas, en prenant cet exemple-là, on a dit que la solution pour celui-là, c'est quoi? On a dit que la conséquence pour lui, c'est quoi? La conséquence, on peut voir ça dans Hébreux 10. On dit qu'il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça. Pour sacrifice pour lui, parce que... Donc, gardez-vous de refuser d'entendre ce qui parle. Hébreux chapitre 10. Lui donne à voir alors, et brûla la terre, et qui... Tu es où là maintenant? Non. Après, va dans Hébreux chapitre 10, verset 26. Sur verset 6, il dit... Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Oui. Ça, c'est conséquent. Donc, ça veut dire que s'il ne reste plus de sacrifice, on dit que quelle est la conséquence de cet homme-ci? C'est le pour. Attends. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Quand, lui, le verset suivant, mais une attente terrible du jugement. Quand tu as pas de lui, ça, mon frère. Tu avais peur de lire le volet suivant parce que ça n'est qu'elle la conséquence. On dit clairement que si tu pêches là, à cet instant-là, Jésus ne peut plus aller à la croix parce qu'il n'y a plus de sang pour pouvoir nettoyer cela. Mais une attente terrible. Non, attends, tu as quitté le verset parce que tu n'as pas lu exactement ce qu'il en est. Mais une attente. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Les rebelles. Je veux que vous souveniez dans les rebelles. Ah, vous voyez le témoignage, pourquoi le témoignage dans le monde? Quand les gens ne comprennent pas, il y a quelqu'un qui va poser la question, ok frère, je ne dansais pas pour qu'on prêche si jusqu'à ces gens à parmi. Il dit, en fait, c'est pour cela, pour faire entrer les brebis et prononcer le jugement contre cela. Parce qu'ils ont entendu exactement ce qu'il en est par rapport au sacrifice de leur péché. Que tu le veux ou pas, que quelqu'un le veut ou pas, que Beyoncé le veut ou pas, malgré qu'elle danse, elle fait les choses, pour le sacrifice, malgré que tous les autres là-bas, leurs péchés ont été pardonnés. Tout, il dit tout le monde. Oui, parce que c'est la grâce, le temps de la grâce. C'est pas ça, frère. Le Seigneur, d'abord, le temps de la grâce ne permet pas de faire le péché. Non, non, ça c'est autre chose, c'est là aussi le vie. Comprends très attentivement. Il dit qu'il n'y a personne sur la terre dont le péché n'est pas encore pardonné. C'est pas ça. Tout le monde sur la terre, là, oui, absolument. Mais le problème, c'est que c'est quand tu crois donc que tu as la vie. Mais le péché, le problème, le péché a été réglé. On a dit que Christ est apparu à la fin du temps pour ôter le péché de quoi? Du monde. De quoi? Du monde. On a dit qu'il a ôté. Il est la nuit qui? Ôte le péché du monde. C'est le péché du monde, il a ôté. C'est pour cela que quand les gens, il y a un groupe de qui comprennent cette chose, ils disent que non, il n'y a plus de péché dans le monde. C'est pas comme ça. Fondamentalement, il a payé le prix. Sinon, s'il a payé le prix seulement d'une certaine partie des personnes, et que tu es sur la terre, ça veut dire qu'il va prendre ta propriété. Or, il va falloir qu'il hérite de toute la terre. Tu comprends? Il faut que tout l'univers lui soit soumis, soit réconcilié à Dieu. Et par conséquent, il faut qu'il fasse le sacrifice pour tout l'univers. C'est terrible. D'accord? Et bien plus encore, on a dit qu'il est même allé avec son sang pour sanctifier même les objets célestes. Vous avez ça dans la Bible? Oui. Tu regardes ça, frère? Oui. Donc, il a même sanctifié même le ciel. Il a traversé le ciel avec son sang pour sanctifier, parce que le problème a commencé là-bas, les bagarres ont commencé là-bas jusqu'ici en bas. Il faut qu'il y ait la paix partout. Alors donc, ça veut dire que ce n'est pas le péché seulement du chrétien que Christ a pardonné. Parce que quand il est allé à la croix, il n'est pas allé à la croix seulement à cause de cela. Bien plus, c'est vrai que fondamentalement, là, c'est pensé, c'est le rachat de son peuple à lui. Mais il priait pour le sacrifice. Je veux que tu comprennes que les gens marchent dans le monde comme ça, ils ne savent pas qu'ils sont pardonnés. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on ne dit pas que Seigneur, pardonne-moi. On accepte son pardon, on reçoit son pardon, on reçoit le don de grâce qu'il nous a accordé en acceptant, n'est-ce pas? Okay. Mais tous ceux qui sont justifiés sont prédestinés. Absolument, c'est ça, c'est là le problème là-bas. C'est vrai, dire que quoi? Regarde, Jésus parlant aux Juifs qui étaient là-bas. Il dit que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. Les péchés les sont accordés parce qu'ils croient qu'ils peuvent avoir la situation quelque part, bien plus, alors que le Seigneur a payé pour le sacrifice là. Il dit non, on peut être justifié par la loi de Moïse. Il dit laissez-les, ils sont assis à la chair, dans la chair de Moïse. Donc ça dit que Moïse va venir, va entrer. C'est pour cela que si tu dis que tu es assis à tel endroit, cette personne va venir pointer que je t'avais dit que c'est Christ. comprenez cela? Donc Moïse va représenter ses peuples. Non, non, il va passer en jugement. C'est celui qui va les juger. C'est Moïse qui va les juger. Absolument, mon cher. C'est ce qu'il a de dit. C'est ce que la Bible déclare. Il va se présenter là-bas. Il va se présenter là-bas devant eux et dire que je vous avais dit qu'il va susciter un prophète comme moi. Écoutez-le. Je ne vous avais pas demandé de rester. Ils vont se tourner vers Moïse. Ils vont dire Moïse, il va passer là-bas. Vous voyez ce qu'il en est avec les prédicateurs, les âmes offensives et défensives. Donc, lorsque nous voyons ces choses dans les Écritures, il faut vraiment qu'on fasse attention. Le mot rebelle qui est écrit là-bas montre clairement ce qu'il en est par rapport à ce qui est derrière. Seulement, c'est pour ça qu'il dit que continue jusqu'à ce qu'on détecte ce qu'il en est. Oh, parce qu'en fait, tous les rebelles ont écouté l'évangile, tous ceux qui ont écouté l'évangile ont été pardonnés. D'autres assistent même à la réunion, comme vous avez chez les catholiques là-bas. Bon, prenons les prêtres catholiques. Ne connaissent-ils pas que Jésus est mort pour le péché? Ils connaissent. Ne connaissent-ils pas qu'il est mort? C'est pas eux qui le savent. Qu'il est, il va revenir juger les vivants et les morts. N'est-ce pas lui? Il a dit à l'exécutif qu'il est en horreur les idoles. On ne peut pas faire une présentation. Marie, ils connaissent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas la rébellion? C'est la rébellion. Voilà. Donc faisons attention. Regarde-moi, mon frère. Approfondis encore ta question. Tu approfondis ta question, j'approfondis ce que Jésus a dit. Sinon, vous allez voir ça seulement dans la deuxième partie de comment on peut être sur salut. Parce que c'est ça qui est derrière. Et mon frère Bush m'a dit comme ça. Oui, mon frère. Sur la question du salut, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qu'on n'a pas compris. Lorsque le Seigneur dans Jean 2, on le lit d'ailleurs dans Jean à plusieurs reprises, dans Jean 2, dans Jean 6, dans Jean 8. Le Seigneur prêche, il est en train d'enseigner, il est en train de parler. Et là, il y a toujours cette phrase de l'Écriture qui dit que beaucoup crurent en lui. Oui. On dit cru, donc c'est-à-dire, on ne peut pas dire mieux. Ils ont cru. Ils ont cru. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le message que le Seigneur avait prêché. Mais il y a une partie qu'on oublie, qui parle. On dit, le Seigneur ne se fiait pas à tous, car il savait ce qui était dans leur cœur. Dans l'homme. Ils savaient précisément ce qui était dans leur cœur. Donc, ça veut dire que on est ici, on peut prêcher, on est tous ensemble. Ah oui, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Oh, tu crois? Oui, je crois. Il reçoit. J'ai reçu le message. Il arrache même. Mais en vérité, Dieu seul sait précisément le cœur de la foi. Or, dans ce groupe de croyants, tout le monde se. C'est ça, venez de croire. Confesse être croyant de Jésus-Christ. Mais en vérité, tous ne sont pas croyants de Jésus-Christ de la bonne manière. Il y a ceux qui ont cru véritablement parce qu'ils ont été prédestinés par le Seigneur à cela. Mais il y a ceux qui croient qu'ils ont cru, mais qui n'ont jamais arrêté, qui n'ont jamais cru, mais qui sont restés dans leur état naturel de pécheur. Donc, ils marchent en croyant qu'ils sont de la famille, mais ils ne sont pas de la famille. Et bien entendu, ils vont bénéficier. C'est pas dans cette grâce. C'est ça qui fait souvent que les gens se croient. On dit oui, il a bénéficié. Oui, don, ils ont bénéficié du don de la grâce. Mais il fallait que nous corriger donc cela parce qu'on ne parle pas de baptême du Saint-Esprit là-bas. Oui, donc le don de l'Esprit, ce n'est pas participer. Ils ont goûté le don de l'Esprit, ce n'est pas dit qu'ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont goûté. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un peut venir, il reçoit la guérison. La guérison vient de l'Esprit. Il peut recevoir une prophétie. Tu vois cela, n'est-ce pas? Ils ont les dons de l'Esprit. Tu peux goûter. C'est exactement ça. Ça dit, c'est l'erreur qu'on fait souvent, qu'ils ont été scellés du Saint-Esprit. Non, il n'est pas du scellement du Saint-Esprit. Il s'agit juste qu'ils ont bénéficié de la grâce. Là, quand le Saint-Esprit vient, il répand sa grâce là, au milieu. Tu bénéficies. Tu as bénéficié d'une prophétie, comme le frère vient de le dire. Donc, ils ont bénéficié, ils ont goûté à cela. Mais non, jamais. Et le cas le plus patent, c'est Judas. Qui a prêché. Qui a parfois même été rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit pour faire les miracles. Pour faire les miracles. Mais n'a jamais été scellé du Saint-Esprit. Voilà. Et quand on dit quand longtemps arrivé, il est allé en son lieu. En son lieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prédestiné à cela. Pourtant, il était parmi les frères. Donc, ça veut dire qu'il y a croyant et croyant. Dans notre époque, il faut comprendre qu'il y a croyant. Il y a un problème avec le mot croyant. Croyant. Il y a des croyants. Si je peux comprendre cela, il n'y a pas de problème. Mais on a trois types de chrétiens qui existent maintenant dans notre temps. Même pas dans notre temps, ça a tout comme ça. Quand tu lis la Bible, c'est comme ça. Il y a le justifié, le croyant et le sauvé. Mm-hmm. Ces trois personnes demeurent dans la même église, oui, mais qui seront manifestées que lorsque le Saint-Esprit, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, oui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il sait pas ce qu'il en est. D'où la Bible parle de la première saison et de la saison. Oui. Lorsque cette pluie va tomber, ça va manifester le vrai zélé du temps de la fin. Alors on se retrouve. C'est donc on connaîtra qui est le justifié, qui est le sauvé. Qui est le croyant? On se suit donc dans 2 Timothée 2. Le Seigneur a ces deux paroles qui lui servent de source. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Tu vois ça? Ça a été tout comme ça dans les Écritures. Tout le monde, je crois. Il faut qu'on voit vraiment qui croit. Ma question aussi, c'était sur tout ça. Croire en Jésus selon nous et croire en Jésus selon ce qui est comme la prédestination. En fait, je voulais savoir la différence. La différence, c'est qu'en réalité, si tu es destiné à croire de la bonne façon, tu croiras de toute façon. Tu ne peux pas faire autrement. En fait, ce que le frère Francis développait, quand on le dit, c'est toujours dans la parabole des quatre styles de terre. C'est ça qui est développé là-bas. Donc, et forcément, un être humain sur la terre se trouve dans les quatre là. Où tu ne peux pas esquiver. Quand tu lis, ça te donne le miroir. Quand tu lis, tu dis, quand j'entends, on dit qu'il croit pour un temps. Quand on dit pour un temps, on ne donne pas la période qu'il va croire. On dit pour un temps. Pour un temps, pour quelqu'un peut être 25 ans. C'est qu'il est cru. Tu entends quelqu'un dire que je me souviens en 1985, lorsqu'il avait cru, j'avais le feu du réveil. Vraiment, je suis fier. Qu'est-ce qui est arrivé? Il raconte que donc, nous sommes en 2017. Il raconte l'histoire de 1985 quand il était jeune dans la foi. C'était bouillant. On partait partout. Où est-ce que cet amour est parti? Il dit qu'il ne parvient plus à croire, parce qu'il y a des gens qui enseignent des choses contraires à ce qu'ils enseignaient qui étaient bibliques. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Donc tu vois qu'il y a un problème. Non, mais cela a toujours été. Non. Dans le message de l'âge de l'église, oui. Dans l'église, je pense, entre 6000 ou 13, où l'ange dit chez l'église, oui, que vous avez oublié le premier amour. C'est pour ça que je lui dis que les gens qui sont sur la télé, quand on se veut ou pas, chacun se trouve dans les quatre terres. C'est pas que c'est pour nous maintenant que c'est étrange. C'est en fait le vrai problème avec nous maintenant, c'est qu'on a confondu la religion avec la vie chrétienne. Cette confusion fait en sorte que le fait que tout le monde dit chrétien, si on va à la définition biblique du mot chrétien et disciple, ça fait la part des choses. Tu vois, comme chacun appartient à son groupe, je suis protestant, tu es protestant, mon père était protestant. Donc dans sa tête, il croit qu'il est chrétien. Et il aura le vrai problème, c'est qu'il va prier, Dieu va souvent répondre. Il va lire la Bible, il comprend souvent, il dit Dieu attend le monde, tu dis Dieu attend le monde, il dit qu'il envoie son fils, il finit avec cela. Mais sa nature n'a pas changé. Tu vois, sa nature n'a pas changé. Il grandit comme ça. D'autres grandissent dans les louanges, dans les trucs, dans le courant. Il chante jusqu'à ce que la sueur coule. Il danse pour Dieu. Dieu ne le connaît pas. On voit le problème. Le départ, c'est qu'il faut qu'il naisse. Franchement, oui. De telles personnes qui, après, pendant un moment, ils expérimentent des choses, soi-disant des choses spirituelles, parce que la personne se croit chrétien. Oui. Maintenant, si tu viens avec la Bible, oui, de la bonne manière, tu lui présentes, il regarde ceci, c'est pas biblique, il regarde, oui, ceci, c'est pas biblique. Oui. En général, ce sont des personnes dures. Mais c'est pour ça qu'il dit, souvent que quand vous n'êtes pas dur de la bonne façon, vous n'êtes pas dit, vous ferez mieux de quitter la Bible. Parce que ça va vous en disciple. Ça fait que quand on annonce la vérité, ça vous choque. Vous avez comme l'impression que la personne qui est devant vous est votre ennemi. Oui. Ça vous fait plutôt du mal. Oui. D'accord? Alors qu'il faut que la Bible déclare qu'on doit être appelé dans le trône là-bas par la grâce. Il faut que le cœur soit nourri, soit apaisanti par la grâce. C'est pas la grâce. Le cœur doit être affermi par la grâce et non par les aliments. C'est ce que la Bible enseigne. Donc ça veut dire que si la personne se laisse attirer par le Seigneur, vous voyez, personne ne peut venir sur le Seigneur qui ne l'attire. Il faut qu'il soit attiré par le Seigneur. Quand tu es attiré par le Seigneur, même si tu es seul, n'importe comment, tu vois toujours, comme la sœur a connu dans son témoignage, tu vois toujours que même si tu fais n'importe quoi, tu te rends compte que tu es toujours poussé dans cette direction-là. Il y a une force surnaturelle qui te tire dans ces choses-là. Même si tu dérègles n'importe comment, il y a une force qui te... Parce qu'il y a une... l'attention du ciel est sur toi. Parce qu'aucune de ces brebis ne s'égare là. Aucune, c'est merveilleux seulement ce que le Seigneur fait pour nous. Donc même si tu es n'importe où, tu te trouves quelque part dans des filets de l'ennemi, tu crois. Sinon, comment se fait-il qu'elle est dans son lit, elle ne sait pas, pas le toucher. Elle a quelle puissance par elle-même. Parce que le Seigneur veille sur ses brebis. Ouais, c'est même au milieu de l'adversité. Qu'est-ce que Dieu fait comme ça? Dieu fait montrer pour montrer qu'il a ses enfants là-bas au milieu de l'ennemi. Il les suivait et l'ennemi ne peut absolument rien. Si Satan voulait te tuer, par exemple, toi, tu as depuis le Congo, tu as quelle puissance pour te protéger? Ok. Les personnes qui se trouvent au Congo, toi, tu es dans la chambre, ils apparaissent dans ta chambre. Quand tu voyages, tu voyages avec eux. Non. Comment ils ont fait pour savoir que tu es là-bas? Jusqu'à ce qu'ils viennent, ta porte est fermée, ils entrent. Bon, ils arrivent jusque-là. avec le feu devant de toi. Il ne parvient pas à fruiter. Après avoir fait le voyage des années lumière pour toi, il n'accomplit pas la mission. Pourquoi? Le Seigneur. Le Seigneur. Plus on comprend ces choses, plus on devient petit devant lui. Amen. On devient vraiment petit. Que ce n'est pas quoi que ce soit qu'on ait fait par nous-mêmes qui nous amène à là. Les gens disent, j'ai un esprit fort. Que j'ai un esprit fort. J'ai un esprit fort. On amène le dernier esprit là, comme ça, là, il te tourmente toute la nuit. Des questions? Oui. Oui. C'est toujours dans le même sens. Mmh. Pourquoi, en fait, moi, d'après ce que j'ai compris de la Bible, c'est qu'on ne peut pas gagner les âmes. J'ai envie de poser cette question. Oui. C'est quoi que les gens, par exemple, dans les dénominations, ils disent, il faut gagner les âmes, vous êtes là, vous chauffez les bancs, tu viens aujourd'hui seul. Ça fait je vais te montrer. Un an que tu viens. Non, non, ne t'inquiète pas, je vais te montrer. Matthieu chapitre 23. Gagner les âmes. Tu y es. Toi-même, tu vas lire. Et tu vas nous dire ce que tu comprends, d'accord? Oui. Lis le verset 15, Matthieu chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire les prosélytes, pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gienne deux fois plus que vous. Malheur... Non, ça va, c'est le verset 15. Dis-nous donc ce que toi tu as lu. Monsieur, pas lu. Frère, lis-nous encore ça. Il a dit... Attends d'abord, je vais finir le livre, puis tu parles. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Mmh. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous. Ma chère, tu entends ce que le Seigneur dit là? Oui. Tu as compris? Oui. Il dit par rapport à ta question que tu as posée. Non, je ne sais pas. Donc, tu comprends ce qu'on dit là? Essaie de l'expliquer à notre sœur. En fait, la Bible est en train de dire qu'il y a des gens qui courent par-ci, par-là pour chercher à évangéliser des gens. Mais en fait, ils ont des sérieux problèmes eux-mêmes personnellement qu'ils doivent régler avec le Seigneur encore. Mmh, mmh. N'ayant pas encore réglé ces problèmes, comment tu peux aller régler le problème de quelqu'un d'autre? Oui. Ce qui fait que, en fait, les enseignements qu'ils vont donner aux autres, ça sera plutôt de leur intellect au lieu de la Bible. Parce que si ce n'est pas la vérité que tu donnes à l'autre, c'est donc du n'importe quoi. Et ce qui fait que toi, tu seras endurci même plus que moi, mieux grave moi-même. Et la conséquence, c'est qu'ils les entraînent où? AGN. Tu entends ce qu'elle a dit là? Bon, c'est un problème de hypocrisie aujourd'hui là, avec l'évangélisation. Et regarde ce que Dieu dit. Donc, voici ce que le Seigneur lui dit dans la Bible. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là, je vais envoyer des prédicateurs aller gagner les hommes pour Jésus, c'est ça? Non. Il dit celle-là, il faut que. Il faut que je les ramène. Il faut que. Voilà, allons-y, il faut que je les ramène. Et il ne dit pas qu'il va dire. Il faut que je les ramène. Donc l'initiative pour les faire venir, c'est lui. Oui. Maintenant, quand cette initiative est venue, maintenant, comment il le fait sur le plan pratique? Il dit priez-vous, priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers à sa moisson. Parce que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. D'accord? Maintenant, quand tu crois, comme tu viens de le dire dans les dénonciations, tu dis, oh, ne venez pas seul, venez avec les gens comme ça là pour Christ. Arrêtez sur le recrutement massif de fonds. D'accord? C'est ça dont il est question. C'est le recrutement massif. C'est-à-dire que, en fait, c'est même un danger. Je vais dire ça, ne riez pas et ne pleurez pas non plus. Mais je suis obligé de le dire comme ça. Les gens sont en train de se promener dans la liberté du péché. On veut les compresser dans la prison maintenant. Donc c'est mieux qu'ils soient dans la liberté du péché dehors parce qu'ils peuvent rencontrer la voie. On les amène, on les sort de la liberté pour les emprisonner. C'est pour ça que j'appelle ça le Guantanamo chrétien. C'est là-bas. Et à partir de cet instant-là, on commence à animer sa chair. Voici le pourquoi le péché se passe beaucoup plus là-bas à l'intérieur. Voilà. Parce que la Bible déclare que ce n'est pas à la connaissance de la loi qu'on devient comme ça, qu'on davantage dans le péché. Il dit qu'il n'aurait pas connu le péché, que la loi lui dit telle chose. Oui. Et quand tu arrives là-bas, les gens sont surpris parce qu'on veut lui faire vivre un style de vie qui n'est pas de sa nature. Oui. C'est ça le vrai problème. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Alors on est surpris quand on dit tel chanteur sort avec telle autre personne. Tel pasteur s'est fait toujours avec tel pasteur. C'est normal, c'est sa nature. Comment voudrais-tu qu'il fasse autrement? Parce que le corps de Christ, on n'y entre pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est qu'une nouvelle nature se trouve en toi. Quand cette nouvelle naissance se trouve là-bas, tu produis donc le style de vie de cette nature-là. Or, c'est pour ça qu'il dit dans les enseignements que la chose que les gens peuvent faire imiter, ils ne peuvent pas imiter le style de vie des chrétiens. Ça, c'est ici, la pierre d'achoppement. Tu vois, beau faire n'importe comment, comme le canard fait. Le canard fait quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, il part dans la boue. La boue fait quoi, ça semble être proche, n'est-ce pas? Ils avancent jusqu'au frère, jusqu'à dans l'eau. Quelqu'un va se nommer parmi les deux. La boue. Parce que tu ne peux pas faire comme ça. Le canard fait comme ça. Il va naturellement parce qu'il a été. Les palmes sont là pour lui permettre. Quand il est dans l'eau, il ne réfléchit pas comment il va pour nager. La poule va devoir savoir comment équilibrer dans l'eau. Comment savoir comment faire parce qu'elle n'a pas été constituée comme ça. Donc aller imiter le canard, ça ne sert à rien. Le coude va l'attendre là-bas. Tu vas le voir comme ça, c'est pas comme ça. Il va finir par se noyer. Alors on n'imite pas la vie chrétienne. Si tu n'as pas les palmes dès le départ, ne t'aventures pas dans l'eau. D'accord. Mais oui, mais si je peux ajouter. C'est la même chose non? Avant que le frère développe. Non, je veux juste ajouter ce que vous venez de dire. Oui. Les chrétiens aujourd'hui, en fait, le problème du chrétien, moi, la manière que je peux comprendre, c'est que les gens aujourd'hui deviennent des chrétiens. Oui. Or, on ne devient pas chrétien, on est chrétien. Oui. Mais les gens aujourd'hui veulent se faire chrétien. Oui. Oh non, parce qu'il y a des musulmans, il y a des religions, ils appellent ça religion. Oui. Or, la religion, quand tu vois le mot religion, c'est une couverture. Une couverture. Les gens essaient de se mettre couvrir. Là pour dire que non, moi je suis musulman, je suis chrétien. Ils se couvrent avec ça. Ils se couvrent avec. Or, ils ne savent pas que quand on dit par exemple chrétien, le mot chrétien pour une première fois dans la Bible, c'est ailleurs, non? C'est en autre chose qu'on les a vu. Pourquoi on les appelait chrétiens? Parce que c'est leur style de vie. Leur style de vie qui témoignait de la manière de Christ. Ils ont dit non, non, non, ça c'est les gens qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'ils avaient un style de vie différent. Ah, voilà. Mais là, ils se disent chrétiens, je dis, mais avec le même style de vie, pire encore que ceux du monde. C'est du monde. Quand même, l'église, c'est appelé ordre. Donc, un chrétien a une vie qui doit différer de celui des autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un chrétien, après vous le mettez en sorte pas de distinction. Non, non, il dépasse même encore le monde à la seule journée. Allons-y, c'est des questions. Merci beaucoup. Donc, vous devez veiller donc sur vous ici à Tanger, au Maroc, vous devez veiller à mettre le standard de la vie chrétienne au sommet. En entendant ces choses-ci, ça veut dire, ok, maintenant, ça veut dire qu'il ne faut pas que je dise, ok, je suis chrétien et je sois comme ça, que je vive comme ça, aussi comme les autres. Il faut que le standard, comme tu as dit dans Antioche, quand même voyant, on voit la différence. Amen. Voyant, parce qu'on dit c'est à Antioche que les chrétiens furent appelés chrétiens. Parce qu'ils sont vus, les gens, et ce sont les païens. Ce sont les païens qui ont observé qu'ils étaient les chrétiens. Aujourd'hui, si tu viens voir quelqu'un et dire que tu es croyant, je suis un chrétien, c'est le païen qui dit vrai chrétien, tu es chrétien. Les chrétiens font, vous voyez comment les païens prêchent aux chrétiens aujourd'hui. Il dit tu es chrétien, tu fais ça. Lui-même ne connaît pas la Bible, mais la loi de Dieu qui est écrite en lui dit que non. On me semble que c'est faux. Toi, tu es un faux chrétien. Et c'est grave de porter ce nom-là. J'aimerais pas appuyer sur ce qu'il vient de dire aussi. Oui. Il a parlé d'un truc, il a dit, on est chrétien, oui. On ne le devient pas. Oui. Maintenant, pour des gens qui sont nés non chrétiens, oui. Ne vont pas hériter le royaume. Ouais, comment tu vas entrer alors? Non, le naître là, c'est pas physique. C'est dans une famille, non. La naissance là, c'est la nouvelle naissance. Il a pris ça littéralement. Non, ce que. Donc, ça veut dire que si tu es disciple, tu es prédestiné à l'être. D'accord. Des questions? Oui, toujours un peu dans le même. Bonjour à Tanger. Bonjour. Bon, frère, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Dieu, il a dit qu'il n'a que des projets de bonheur pour ses enfants. Oui. Moi, ce que je ne comprends pas, j'avais des amis, des enfants de pasteurs, par exemple. Oui. Parfois, quand tu lui poses la question, mais pourquoi tu fais ça alors que ton père, il est pasteur et dit même, c'est pas moi qui suis pasteur. C'est son père, c'est son travail. Et lui, c'est sa vie, moi, je fais ce que je veux. Je veux juste comprendre pourquoi. Ça arrive aux familles de pasteurs, les enfants de pasteurs. Ça m'étonne parce que, en principe, quelqu'un qui sert Dieu, il va avoir des exemples. Les enfants sont une bénédiction. Selon la Bible, les enfants sont une bénédiction. Alors, si un pasteur il a des enfants désobéissants, j'ai envie de dire ça, c'est comme si ses enfants sont maintenant une malédiction au lieu d'être une bénédiction pour lui. Ils ne sont pas exemplaires parce que moi, par exemple, avec ma copine qui était enfant de pasteur, je croyais qu'on allait être bien dans la foi. Voilà, qui fait exemplaire. De parler des trucs de Dieu. Alors que c'est vrai que t'es noyé. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Si tu lis l'histoire même de, dans Genèse chapitre 9 de Noé et de ses fils, tu verras que juste après le déluge, quand ils sont sortis de l'arche, Noé est parti boire de l'alcool, n'est-ce pas? Et puis il y a eu l'histoire de la malédiction. Vous allez vous poser la question. Par la suite, vous allez voir qu'il y a même une Nimrod. Celui-là, tu connais bien l'histoire. C'était un homme qui n'était pas bien de toutes les façons. Et tu vas voir aussi l'histoire des géants partout sur la terre. En fait, si on se pose bien la question, d'après ce que les hommes comprennent, ils posent la question, mais comment l'ivraie est encore revenu alors qu'il y a eu balayage après le déluge? Donc forcément, quelqu'un parmi ceux qui étaient dans l'arche avait quelque chose en lui. Voilà. Mais si tu vois bien, ce sont les fils de Noé. Comment l'ivraie peut sortir encore de quelqu'un comme Noé? Alors, là, si tu médites bien, moi, un jour, quand je lisais ça, j'ai compris qu'en fait, Noé avait reçu la grâce de Dieu. Non pas parce qu'il méritait la grâce de Dieu. Donc, Dieu l'avait choisi, non pas parce qu'il avait fait quelque chose. Donc, de lui, quelque chose de mauvais peut sortir aussi. On avance là. Donc, un pasteur peut même faire même un démon. Il peut faire des filles prostituées. Bon, le Judas. 1 Samuel chapitre 2. Ma soeur, elle a savoir. Hein? Tes oreilles vont entendre des choses bizarres, n'est-ce pas? 1 Samuel, prenons le chapitre 3 même. Hein. Vous y êtes. Avant d'arriver au chapitre 3, prenons le chapitre 2, verset, à partir du verset 12, je vais lire. 1 Samuel, chapitre 2. Verset 12, regardez. Les fils d'Eli, vous y êtes. La sœur là n'a pas encore trouvé. Soyez un peu patient. C'est bon, mon cher. Les fils d'Eli, verset 12 de 1 Samuel chapitre 2. Les fils d'Eli étaient. Eli ici, c'est pas le Eli le prophète. C'est Eli le sacrificateur sous Anne, d'accord? Avec Anne la prophétesse, la servante qui a eu Samuel là. Les fils d'Eli étaient des hommes pervers. Les fils d'Eli étaient des hommes pervers. Il ne connaissait point l'Éternel. Je lui ai compris bien la dimension. La personne qu'on appelle Élie, c'est le sacrificateur, celui qui présente le parfum pour le sacre, pour le péché du peuple. Donc on dit les fils d'Élie. Ils s'appelaient, ils avaient été deux, Ophni et Phiné. On dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Je vais vous souligner le mot pervers, je vais dire quelque chose. Je vais souligner. Maintenant, quand vous lisez en français, vous dites pervers. Ça vous donne une idée de la perversité que nous vivons maintenant. Mais ce n'est pas ça que la Bible a dit parler. Qu'est-ce que c'est écrit dans ta version, frère? C'est la même chose. Le livre. Je m'en dis, les fils d'Élie étaient des vauriens. C'est grave, hein? Ah, vous allez me tuer si la tête. Vous. C'est la version d'Armée. C'est la version Thompson. Ah, vraiment, vraiment. Ça, j'ai déjà tout entendu, ça, vous avez la Bible ici. Bon, vaurien ici, c'est dans notre langage moderne encore. Oui. Pervers, c'est dans notre langage moderne. Vous voulez dire, quand on dit pervers, vous entendez, ouf, comment tu as un langage pervers comme ça là? Parce que tu dérègles, tu dis des choses de grossièreté, que ce sont des gens de la sale vie qui peuvent dire des choses. Vaurien, ça veut dire que ce sont des vannes et c'est vadu sur le monde. Donc, c'est encore plus bas encore par rapport aux gens. Mais ce que le Saint-Esprit en train de dire ici est élevé par rapport à tout cela. Le niveau des choses. La qualification dont on a écrit, c'est pas pervers. C'est-à-dire, si on passe dans une échelle de gravité, pervers est petit, vaurien est encore très petit. Je sais que tu viens de dire que c'était des fils de l'Antichrist. La version de la Bible utilise le terme fils de Bélial. Vous n'entendez pas de Bélial dans la Bible? Vous lisez 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc, un sacrificateur avec deux enfants démoniaques. On dit qu'il ne connaissait point l'Éternel. C'est pour ça qu'il pouvait négliger. Enfin, suivant les actions là-bas. T'es des vauriens. Et voici, c'est la version de Sam Thompson là-bas. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Vous avez bien vu, frère? Ils étaient aussi des anges. Mais automatiquement, puisqu'ils sont fils. Ils sont fils de la descendance d'Aaron. Et par contre, quels sont sacrifiés? Sont nés parce que la loi de Dieu dit que si tu nais là-bas, dans la descendance là-bas, ce sont ces descendants qui vont faire. Et donc, pour cela, vous allez voir que ces choses-ci, c'est plein seulement dans la Bible. Vous êtes surpris que Jean-Baptiste vient subitement et dit que reste des vipères aux sacrificateurs qui sont dans la descendance d'Aaron. Ils ont traité dans la Jésus aussi. Oui. Oui. Le juif, c'est autre chose. Il dit sacrificateur, c'est encore trop. Parce que c'est quelqu'un qui est censé être garant de la loi pour présenter les sacrifices. C'est lui qu'on appelle race des vipères. Ce sont eux qui étaient devant le Seigneur Jésus, les sacrificateurs. Il y avait sacrificateurs chez les pharisiens. Ce pharisiens chez les sadduciens. Mais il a dit race des vipères. Regarde, dans l'Ancien Testament, il se trouve. Mais c'est que le langage du Nouveau Testament était révélateur. Dans l'Ancien Testament, il se trouve. On dit que ce sont des sacrificateurs parce que naturellement, le droit de naissance dans cette lignée-là leur donne le droit d'accès. Mais c'était des serpents. Fils de Bélial. Au mieux, on appelle cela dans la religion musulmane Allah. C'est de lui dont il est question. Tu vois, non? Quand je vous dis qu'Allah c'est Satan, les gens, non, Jésus qui dit non, ça n'a pas le nom de Dieu. Même Jéhovah c'est Satan. Oui. Alors continuons ici, avant de vous faire les procès de témoins de Jéhovah et des musulmans, maintenant. On est dans le pays. Maintenant, on dit, et voici quelle était la manière d'agir des saints sacrificateurs. Vous voyez que c'est au pluriel. Donc ce sont les sacrificateurs, ils sont en fonction des pour qui? Pour le Seigneur. Mais le verset 12 dit que ils ne connaissaient pas l'Éternel. Donc ils servaient Dieu sans le connaître. Parce que si tu connais Dieu, tu vas connaître sa manière d'agir et tu agiras en conséquence de cette manière-là. Voilà. Et quand tu ne connais pas encore Dieu, tu cherches à connaître ses voix. C'est pour ça que même quand tu entends sa voix, il te guide, tu obéis à sa voix, tu marches comme il veut, tu évites ce qu'il ne veut pas. Et voici quelle était la manière d'agir des saints sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fût brûlé la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait hey, à celui qui offrait le sacrificateur, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondit, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Allez, sacrificateur. Je souhaitais prendre ça pour parler des pasteurs donc, qui se sont érigés. Donc, on a vu dans Matthieu 23, là où, pourquoi le Seigneur dit, vous êtes surpris que comment quelqu'un qui est le Dieu créateur vient se trouve devant les gens qui sont censés donner la loi, il dit malheur à vous. Il donne une série de malheurs, malheurs. On se croirait dans l'Ancien Testament. Malheur à vous, pharisiens. Il n'a pas cité le peuple là-bas. Il n'a pas cité ceux qui vont. Il dit à ceux qui condamnent, malheur à vous, docteurs de la loi. Malheur à vos scribes, ceux qui écrivent et expliquent. C'est quand même terrible, pas vrai? Parce qu'il se trouvait au milieu de glisser une grande classe de la postérité de Lucifer. En plein. Et le plus grave, c'est que c'est eux qui enseignaient le peuple. Le prophète Jérémie a eu la même confrontation avec un groupe de personnes. Si vous lisez Jérémie chapitre 5, ils étaient là plein. Donc ils étaient là, mais la Bible ne les appelle pas sous le nom du Nouveau Testament, race des vipères. On a notre langage à nous là-dedans. On les trace seulement, on les suit dans la Bible, on les suit avec là. Mais maintenant, allons dans le livre des titres. Je suis en train de laisser ça parce que nous allons revenir tout à l'heure pour prier. Dans la prière, on va encore suivre cette lignée-ci là. Titre chapitre 1. Le livre de Tite, chapitre 1, à partir du verset 5 maintenant. Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelqu'homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni indiscipliné. Ça règle le problème d'abord. En fait, je suis allé dans l'Ancien Testament exprès. Et puis, traverser le Nouveau Testament pour venir pour voir ce qu'il en est. Parce que nous sommes sur la sacrificature, maintenant nous entrons dans l'Église. Allons dans le deuxième passage concernant ce même sujet, 1 Timothée chapitre 3. Nous allons comprendre le pourquoi le Saint-Esprit en donne les distinctes choses. 1 Timothée 3, à partir du verset 1. Parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. 4. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Oui, c'est enfin. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc, ça pose la problématique de comment devient-on pasteur. Pasteur. Mmh. C'est la problématique là. Mmh. Comment devient-on pasteur? Parce que tu as bien soulevé le premier et bien aidé en disant on s'attendra à ce que ce soit une bénédiction. Comment ceux-ci sont comme ça? D'accord? Parce qu'en réalité, regardez bien le droit d'onction qui vient à Aaron. Ils naissent par cela, ça leur confère le pouvoir de la sacrificature. Mais chez les chrétiens, ils doivent naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est pas charnel comme pour les Aaron. Ça, c'est le ministère céleste. Et c'est un ministère terrestre, fait par le culte rituel terrestre. Maintenant, se trouve le ministère parfait sous une autre alliance maintenant. D'accord? Et là, le Saint-Esprit donne de façon claire que l'une des conditions, c'est que sa maison soit d'abord en règle. La question maintenant, c'est comment est-il devenu? On peut aussi admettre en prenant le cas où il est d'abord pasteur, puis il a accouché les enfants par la suite. Vous voyez cela? Il est d'abord pasteur. Alors, ça veut dire que ses enfants grandissent, il doit les discipliner. Le Saint-Esprit doit être là pour cela. La Bible dit donc, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. D'accord? En donnant des prophéties. Il y aura la rébellion. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Je veux que vous voyez les choses vraiment, doucement. Le Saint-Esprit prophétise que les gens seront fanfarons, amis de l'argent, ennemis des gens de bien et là-bas, rebelles à leurs parents. Ça, c'est une prophétie de la fin des temps. Mais parlant maintenant de la sacrificature, pour le pasteur, dit, on interdit à ses enfants d'être rebelles. Donc, d'une part, il y a une prophétie sur la rébellion des parents aux enfants, les enfants à leurs parents. De l'autre côté, on dit, pour vous, le pasteur, cette révélation, ils ne doivent pas se retrouver chez vous. Et donc, les gens dont le plus dangereux, comme il le dit, ce sont les enfants des pasteurs. Parce qu'ils grandissent dans ce milieu-là. Oui, c'est vrai. Le pasteur se tient à donner le sermon par là-bas, donner le sermon par là-bas, en laissant ici. Alors, les enfants restent chez eux. Beaucoup d'enfants commettent la fornication avec la couverture, même souvent de la maman. Et puis là, souvent, sont enceintes, avortent parce qu'on ne veut pas le scandale. Et même souvent, même les pasteurs sont complices, il faut avorter les filles pour que le ministère ne soit pas blâmé. Or, donc le ministère, or, sur le plan physique, pour les yeux des gens, ne sachant pas que le Seigneur lui-même, il va juger les actions secrètes des hommes. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème profond parce qu'en réalité, on a les règles pour entrer dans ce sacerdoce, on a bafoué. C'est ça le problème. Parce que si quelqu'un en appelle, comme tu as dit, véritablement, dans ce ministère-ci, les conditions doivent être respectées. Et le Seigneur va ramener tous ces gens-ci dans l'obéissance. D'accord? Donc, les enfants les plus dangereux sont les enfants des pasteurs. Parce que la méthode, depuis la jeunesse, ils prennent la guitare, l'autre est au piano. C'est pas parce qu'il est fils des pasteurs qu'il est né de nouveau. C'est pas parce qu'on lui faisait lire les cantiques en chantant telle chose. Parce que voilà, ça, c'est la religion. Donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui peut être dangereusement dans le faux, c'est le fils du pasteur. Parce qu'il grandit en écoutant Alléluia, en écoutant Amen, les chants chrétiens. Vous comprenez cela? Donc il grandit à partir de 13 ans comme ça, il est fort dans la Bible sans être né de nouveau. Et il est nécessaire que s'il ne soit pas né de nouveau, qu'il vive dans le péché. Il est absolument nécessaire. Pour qu'il sache qu'il a besoin d'un sauveur. Parce que s'il n'expérimente pas le péché, il va croire qu'il est chrétien. Donc ceux de l'extérieur pourront être convertis, lui à l'intérieur n'est pas converti. Parce qu'il se dit qu'il est chrétien. Parce que par l'habitude des choses et de l'imprégnation des choses religieuses. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, il faut prier pour les pasteurs et pour leurs familles. Car il faut que l'évêque dirige lui-même sa propre maison. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin des bébés du Seigneur? Vous voyez la question qu'il lui a posée, n'est-ce pas? Il faut que le pasteur prenne cela et lise. Comment va ta maison? Telle est ta maison, telle est l'église que tu diriges. C'est ça qu'il a de dire. Question? Les questions sont épuisées, oui. Ces enseignements, s'ils étaient enseignés vraiment à l'église du Seigneur, on ne serait pas arrivé à l'état où nous sommes maintenant là. On ne serait pas arrivé jusque-là. Que ferons-nous? Il faut que chacun de nous prenne la responsabilité qui est. Malheureusement aussi, il y a des pasteurs qui résistent à ces enseignements. On leur apporte cela, ils résistent. Et ils voient que tu constitues une menace pour lui et pour son organisation, pour ses intérêts. C'est dommage. Mais pourtant, tu viens avec amour pour lui apporter pour qu'il réforme, pour voir. donner les choses. Des questions, des remarques, des choses, avant qu'on avance. Vous êtes fatigué déjà comme ça? Non, non, non. Moi, Seigneur, oui. J'aimerais comprendre une chose seulement. Oui. Concernant. Attends, là-bas, les questions sont finies, c'est bien. Non, épuisez votre question. Mais tu avais dit que tu n'avais plus de questions. J'ai une question qui me vient à la tête. Ça vient là directement comme ça. Là. Ok, c'est concernant le divorce. Oui. Supposons qu'à cause d'un problème entre un couple, les deux se séparent. Oui. Et que la femme a allé à son côté, épouse un autre monsieur. Et l'homme reste de son côté tout seul. Est-ce qu'il est possible pour cette femme-là de revenir encore chez l'homme? Donne-moi l'état spirituel des deux. L'état spirituel, la femme est souillée. Non, donne-moi l'état spirituel, leur nature. Ce sont des chrétiens. Des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Oui. Comment tu peux arriver jusqu'à ce niveau sans que Dieu n'ait pas allé? C'est dommage qu'il y ait un problème. Non, il y a un problème. Donc, nous parlons de la religion et des chrétiens. Voilà. Souvenons-nous de quand nous avons lu ici, quand nous avons. Quoi, quand on a commencé par Matthieu, chapitre 19. Et les gens, avant de répondre aux questions du divorce, là, il a dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Parce que quand les disciples ont entendu cela, ils ont dit que si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la famille, il n'est pas avantagé de se marier. Mais quand vous lisez ces versets, vous avez comme l'impression que c'est plutôt la femme qui est désavantagée. Mais quand les disciples entendent, ils disent que si c'est comme ça, mieux je ne me marie pas. Pourtant, quand tu lis ça, vous avez comme l'impression que c'est la femme qui est désavantagée. Donc, il y a la compréhension de Dieu dans ces passages-là. D'accord? Donc, je pose le problème de la nature des personnes me pose problème. Parce que le Saint-Esprit est conciliant. Donc, quelqu'un s'amuse dans cette. Si tel est l'exemple qui se passe là-bas, on s'amuse avec le Seigneur, le nom du Seigneur. Quand la Bible déclare en Colossiens chapitre 3, allons-y. C'est pour ça qu'à Abidjan, il y avait des gens qui m'avaient dit: et si mon femme part, ils vont vous avez dit que vous n'avez pas de patience, vous. Pour lui, c'est dit, s'il a des problèmes, ne se rend pas 6 ans, il faut qu'il attende trop. Donc, quand, depuis combien d'années Christ est passé avec son épouse? Colossiens, chapitre 3. Après Corinthiens, Éphésiens, ma soeur, là. Continue. Colossiens chapitre 3, le verset 12 et 13. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Chapitre 3, verset 12 et 13 disent quoi? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, oui, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Oui. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tu me dis que ces gens sont les chrétiens, ils lisent ce verset, c'est comment ils peuvent traverser cela? C'est pas possible. Si quelqu'un est chrétien, et que tu as un problème avec, j'ai un problème avec toi, encore mieux encore ta femme. Mais il faut admettre que les beaux qui se trouvent là devant nous, il y a des esprits qui sont destinés à se séparer des familles. Il y a des esprits envoyés pour diriger. Il y a des cargaisons d'esprits, comme vous voyez les commandos. Il y a des commandos qui emploient à. Au milieu, il dit, mais qu'est-ce que ceci? Ils rient chaque jour, ils sont dans le jardin, ils rient. Ça les énerve. Il faut séparer cette famille, on crée des tensions à l'intérieur. C'est pour ça que s'il y a une époque où on doit vraiment prier, on a toujours cas de rébellion des enfants. Le temps de prier pour les enfants. Prier pour la famille, prier pour que la relation dans la famille soit maintenue. Parce qu'avec une petite chose comme ça, on peut créer la tension pour. Mais il y a des esprits derrière qui sont dans le. Parce que normalement, s'il n'y a pas les esprits derrière, cette chose-ci, en lisant tel qu'on a lu là-bas, ça amène dans le cœur directement la voix de Dieu. Et la personne qui craint Dieu craint de faire ces choses-ci. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand il y a l'entêtement jusqu'à, on amène telle personne que parle, lui parle. Tu parles, elle dit que non, ma décision est prise. Je ne l'aime plus. Il y a un problème. La personne est tenue captive. Quand on fait ces choses-là, vous voyez, si vous allez conseiller de coup, vous voyez que l'un prend la décision de se séparer. Et que cette personne dit qu'elle est chrétienne. Elle est tombée dans le filet du diable. Parce que si tu es chrétien, tu savoir qu'il y a la voix de Dieu qui doit dire « Je hais le divorce, je hais la répudiation. » Quand Dieu hait cela, et que quelqu'un dit que malgré ce que Dieu hait, je fais, il est sous la captivité. Alors, quand ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser cette personne-ci, il faut la laisser tranquille, rentrer dans la prière pour elle, que Dieu enlève cette main-là qui la tient. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si les gens pouvaient comprendre ces choses dans les résolutions de conflits au milieu chrétien, parce que même les gens qui veulent résoudre le problème de conflit ont eux-mêmes le propre conflit qu'ils ne peuvent pas résoudre. Quand tu viens, tu te poses le problème, tu dis que ma part même ne me laisse pas. Donc, on a besoin des prières dans le corps. Des prières, que des gens qui sont capables, comme l'a dit dans son témoignage, que pendant que l'autre priait, elle a vu en lui porter l'argent. Maintenant, s'il n'y a pas ce discernement, si cette direction du Seigneur, qu'est-ce qu'elle doit faire? On l'a appelé, elle a porté l'argent et on ne serait pas obligé de parler, pas vrai? Donc, Dieu merci pour cette personne. Il faut que ces dons-là dans le corps. Que quelqu'un puisse t'appeler le matin, que frère, je t'ai vu en train de prendre la décision. Fais attention à la décision que tu vas prendre. Dis, oh, merci Seigneur, parce que tu m'as guidé. Mon frère Junior, ça aussi. Moi, il arrive aussi que j'ai des choses comme ça, je dis aux gens. Oui. Mais parce que cette personne-là à qui je dis ces choses me dédaigne. Oui. Me voit comme celui-là, il se prend pour qui celui-là. Ça démotive vraiment que prochainement, si tu as un rêve, une vision pour la personne, de ne pas aller lui dire. Il faut toujours dire, quand tu vois l'ennemi, tu dis, donc quand tu es dans la tour, comme sentinelle, quand tu vois l'ennemi, tu ne dis pas que j'ai dit la dernière fois, il n'a pas prêté attention. Tu dis toujours, afin que l'ennemi n'ignore. D'accord, frère? Ah oui, concernant toujours dans le cadre de... Tu as suivi la réponse à ta question par rapport à cela. Donc, s'ils sont chrétiens de la bonne manière, ils ne peuvent pas arriver là-bas. Dieu va faire quelque chose. Alors maintenant, s'ils arrivent jusqu'à ce niveau-ci et qu'ils ne sont pas chrétiens de la bonne manière, il y a un esprit derrière. Il y a toujours un esprit derrière qui pousse quelqu'un à la tête. Parce que ce n'est pas normal qu'une femme et un homme qui se sont aimés, que tu vois les photos sur le mur, tu vois le mari porter la femme comme cela. Après, un jour, elle prend ça, elle déchire. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, on dit que c'est le plus beau jour de vie. C'est pour ça qu'ils immortalisent ça comme ça. Chérie, tu vois quand tu m'avais porté. Quand ils sont bien, le jour là, il m'a fait soleil. Mais moi, je ne sentais pas le soleil. Il se parle comme ça là. Dirais, chérie, je t'aime. Après, elle essaie, je lui dis que je ne l'aime plus. Il y a un problème. D'accord? Il y a un problème. La personne qui a dit je ne l'aime plus, ce n'est pas cette femme qu'elle a épousée. C'est ça le problème. C'est un esprit qui a de parler. Souvenez-vous quand Job était dans le mal et que sa femme venait dire que. Ah! Tu es toujours dans ton intégrité, c'est pas la femme de Job qui parlait. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est pas la femme de Job qui parlait, mais la voix qui parlait, c'était la femme de Job. La personne qui était devant lui, c'est la femme de Job, mais un autre être était derrière. Pas vrai? C'est comme ça dans le couple. Parce que c'est pas normal que quelqu'un qui servait Dieu, qui marchait avec Dieu, mangeait les brunes, se tournait et dit maudit Dieu et meurt. Vous êtes en train de voir la frère? Maudit Dieu et meurt. Il ne dit pas que maudit Dieu, même qui te laisse tranquille. Il dit maudit Dieu et meurt. Tu meurs, tu fermes la bouche, mais tu vas rencontrer qui est en jugement. Voilà, vous avez le conseil là. Mais Satan ne peut pas venir se présenter et dire que oh, je suis Satan, il va te traiter. Non, pas comme cela. Il passe vers les personnes que tu aimes pour te créer. Tu dis, quand tu réfléchis dans tous les couples à 100%, même pas 42, à 100%, s'il y a des problèmes qui causent séparation, vous réfléchissez avec la pensée du Seigneur, vous verrez qu'en réalité, il n'y a pas de problème. En réalité, qu'il n'y a pas de problème. Quelque chose se trouve au milieu d'eux pour créer des ennuis. C'est pour ça qu'il y aura des divorces records sur la terre. Parce que c'est la loi, il faut qu'on secoue la loi de Dieu pour qu'il puisse utiliser le fond pour la destruction massive. Suite à cela, si le divorce arrive entre ce couple-là, et que la femme aille de son côté, épouse un autre homme, et fait des enfants, l'état spirituel de ses enfants. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Les enfants n'ont rien à voir. Le cas d'Élie que nous avons vu ici, les enfants s'y sortaient jusqu'à ce qu'ils sont deux. Sa femme était une sorcière. Donc l'état spirituel de cet enfant ne sont pas. Prenons notre soeur qui est devant de nous. Dans son témoignage, qui est la personne qui est devant de lui qui dit, viens prendre l'argent. Qui il est? Il veut que tu répondes. Il est dans le témoignage j'ai vu le démon. J'ai vu les yeux du démon. Qui est la personne qui est devant d'elle qui dit, viens prendre l'argent? Physiquement, c'est qui? C'est le plan. Ok, maintenant, sur le plan spirituel, c'est qui? Celle-ci qui est devant nous, le rayon de la racine qui est là-bas depuis, qui le protège, qui la protège ici? Mais elle est issue de quelle famille? Qui dit quitte cette maison? Quitte là-bas. Combien de fois? Trois fois. Tu te souviens de quitte la maison de ton père, il va dans un pays où il est. Tu entends cette voix-là? Quand il disait comme ça, cette personne-là, quitte la maison de ton père, le père était qui? Vous me suivez? Quand il a dit ça dans Genèse chapitre 12, qui est de la maison de ton père? Qui est sur le père de celui-là? Vous connaissez Terah, non? Il savait qui? Les idoles. Non, les divinités étrangères. Mais il vient dire, qui est de la maison de ton père? quitte la maison de ton père, donc d'un papa idolâtre, servant des divinités étrangères, se trouve un enfant prédestiné. C'est terrible. Il y a ces choses comme ça que, au profondeur de la sagesse de Dieu, on ne peut pas comprendre ces choses. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Question. À quelle heure Jésus est-il ressuscité? À quelle heure? À quelle heure? Il y a l'heure et puis le jour. Parce que quand je lis ça dans la Bible, je ne comprends pas avec le calendrier. Ça ne donne pas. Oui, et le calendrier. Ça embrouille jusqu'à. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Ah ben non. Quand tu fais avec le calendrier, notre calendrier, ça donne quel jour? Le calendrier. Quand tu regardes avec ton calendrier, notre calendrier à nous, grégorien ou bien julien ou bien martien ou quoi là, quand on finit de regarder là-bas, et que tu regardes dans la Bible, ça semble donner. Non. Donc il y a un problème. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Quand tu as calculé, tu as trouvé qu'il y a quelques problèmes. Problème de calendrier, premièrement, oui. J'ai comme l'impression que. Parce que. Il a dit qu'il devait faire combien de temps? Je crois que je t'avais envoyé enseignement sur ça. Donc, moi, j'avais, après avoir médité, j'avais vu beaucoup de choses sur ça. Non, c'est par mail. Oui, par mail. J'ai pas. En fait, le problème, c'est que l'Église catholique a endoctriné les gens à penser que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Dimanche matin. Ah. Et qu'il est mort. Et qu'il est mort le vendredi. Oui. C'est faux. Si tu médites bien, tu vas voir que c'est faux. Là, maintenant, est-ce que ça fait cela? Ça marche pas. Ça marche pas, n'est-ce pas? Lisons Matthieu, chapitre 12 d'abord. Donc, quand les matchs de Jésus, je te renvoie là où on renvoie, d'accord, ma soeur? Oui. Matthieu, verset 22. Ou bien, allons au verset 38 rapidement. Toi-même, lis, ma chère, à haute voix. Verset 22. Non, lis à partir de 38, rapidement. 38. Oui. Je vous le dis, au jour du jugement. Tu parles. Matthieu 12, hein. Okay. C'est quel est haut? Matthieu 12, verset 38. Ah, tu as 13. Non, c'est ça. Non. J'étais au verset 36. Verset 38, allons-y. Car par tes paroles. Tu parles. 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, voudrions-nous te voir faire un miracle? Le gars aime le spectacle. Continue. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. En tout sera. Prends ton stylo, tu entoures Sera. Sera, de même le Fils de l'homme Sera. Tu as vu là où il a dit Fils de l'homme? Oui. Quand il dit Sera, ça veut dire quoi? Le futur, c'est. Non, il dit de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme Sera. Jésus. Il sera, n'est-ce pas? Il fera aussi cela. Donc il va rester. Combien? 3 jours et 3 nuits. Donc 3 clartés et 3 noirceurs. N'est-ce pas? Oui. Voilà, le vendredi, soit donc à dimanche matin, ça fait 3 clartés, 3 noirceurs. Non. Donc il y a un problème. Il faut donc regarder autrement. D'accord? Oui. Alors donc, on va se bamber, tu écoutes, quel Jésus suis-tu? C'est bien expliqué là-bas en détail, d'accord? C'est aussi une bonne chose parce que j'avais eu aussi à discuter avec Jonas sur ce point-là. Mm-hmm. On avait eu des divergences parce qu'il ne voulait pas sur certains points. Il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est clair. Donc, il y avait plein de choses qu'on avait eu des divergences. Non, pour aller à la résurrection, d'abord, il faut d'abord regarder les prophéties sur la résurrection. Il ne faut pas voir ça dans le calendrier romain. Mais voir ça dans le calendrier juif, tu sauras à quel moment jusqu'à ce que. Et en plus, c'est là aussi le problème de traduction. J'ai remarqué ça dans Marc ici, Marc chapitre 16. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour. C'est là où les gens disent que c'est. Non, ce n'est pas ce que ça dit. Là, la Bible est en train de dire que Jésus était déjà ressuscité. Ce n'est pas ce que ça dit. C'est maintenant ce jour-là qu'il a rencontré. Là-bas, ce n'est même pas le problème de traduction, c'est le problème des virgules. D'accord. Je crois qu'il faut qu'on, dès qu'elle va finir la semaine, ce que dit, on va y arriver là-bas. J'ai dit, le titre de l'enseignement, c'est « Quel Jésus suis-tu ?» Dans cet enseignement, c'est bien expliqué là-bas, d'accord. Allons dans le livre de Marc, là-bas. Marc, chapitre 16. C'est tu, c'est ça, hein, je me suis. Okay. C'est ça, hein. C'est le Pays-Bas qui nous embrouille comme ça, là. Ah, Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Mais c'est quand même curieux. Il ne sait pas comment les chrétiens ne lisent pas la Bible. C'est-à-dire, voici par exemple, le Seigneur Jésus a prophétisé sa mort et sa résurrection. Et il a dit que c'est 3 jours après qu'il doit ressusciter. Il va passer 3 nuits et 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, les 3 cycles doivent s'accomplir. Il sera encore à l'intérieur du sein de la terre. Puis, on dit qu'il est mort vendredi soir. Et que dimanche matin, il est ressuscité. Quelqu'un ne se pose pas la question. Et ça fait 3 jours, 3 nuits. Il est là, oh, nous sommes à la fête de la résurrection. C'est l'ascension de Jésus. C'est quand même terrible. Juste à ce moment-là, vendredi saint. Ah bon. Marc chapitre 16. Je vais montrer quelque chose. Vous allez voir qu'il y a une redondance qui ne semble pas bon dans le livre de Marc. Nous allons lire à partir du verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, ah, on voit ma soeur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Salomé. Continuez. Oui, Salomé. Et Salomé, oui. Achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se coucher. Donc ça stop, ça pour... Vous voyez, à partir du verset, on raconte l'histoire normale. Quand le soleil venait de se lever. Donc, ils sont allés très tôt, le grand matin, parce qu'il faisait encore sombre, n'est-ce pas? Au sépulcre. Au sépulcre, partait au sépulcre. Pourquoi? Pour oindre son corps avec cette bombe-là. Maintenant, la version Ferra Fenton de Matthieu chapitre 26 dit, après que les sabbats, c'est quand même terrible. Bon, de toute façon, il ne peut pas revenir, c'est dans cet enseignement. Bon, maintenant, verset 2 ici nous dit, lorsqu'ils sont partis, le premier jour de la semaine, ils partaient très tôt quand le soleil venait de se lever. Donc, ça veut dire que c'était au crépuscule. C'était vers, vous appelez ça le grand matin. Elles se sont rendues compte que quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Continuons, verset 3. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Vous remarquez très attentivement. Donc, le Saint-Esprit donne juste la précision en disant qu'ils viennent, il fait encore sombre. Elle a dû venir, c'est disant. Parce que, là, on regarde le chapitre 15, on dit, lorsqu'on l'a enterré, quand on a mis son corps, Joseph d'Arimathée allait prendre son corps avec des disciples, on l'a déposé là-bas, on a poussé une grosse pierre pour mettre là-bas, et les femmes étaient à distance, elles vivaient. Elles voyaient cela, chapitre 15. Maintenant, puisqu'elles ont vu exactement là où on a mis le corps du Seigneur, et puis elles ont dit, ok, allons préparer maintenant le truc pour rentrer. Et puis, elles se posent la question, on a vu la grosse pierre qu'on avait mise là-bas devant l'entrée. Qui va nous pousser cela? En levant les yeux, on dit que la pierre était déjà poussée. Nous sommes trouvons très tôt le matin du dimanche. Parce que le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, la pierre était roulée. Ça veut dire qu'à cet instant-là, quelque chose s'était passé déjà dans la tombe. N'est-ce pas, frère? Oui. Alors, c'est quand même terrible. Continuons. La veille. Verset 4 maintenant. Non, on a lu ça. Verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Oui. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Stoppons là-bas. Donc l'ange qui se tient là-bas sur le tombeau, sur le lieu de pierre où on l'avait mise là-bas, il se tient là-bas, l'ange lui donne le renseignement qu'il n'est pas ici, il est ressuscité. L'ange lui donne le renseignement, c'est très tôt du dimanche matin, qu'il est ressuscité. Et vous précède en Galilée, comme vous avez dit, allez dire ça à ses disciples, c'est en Galilée, vous allez trouver, quand il était sur la terre, vous disiez que quand vous allez ressusciter, vous précède en Galilée. Donc, en venant le matin, très tôt le matin du dimanche, il était déjà ressuscité. C'est quand même terrible. C'est pour ça que vous allez voir donc la redondance donc, au verset 9. On va arriver au verset 9. Avançons. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Oui. C'est là que vous le verrez comme il avait dit. Mm-hmm. Comme il vous l'avait dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles se dirent rien, elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Stop. Normalement. Quoi que si tu es dans ta Bible, si le verset 8, je ne sais pas comment si on met un verset, on met un guillemet, un crochet à partir du verset 9. N'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà. Je ne sais pas qu'il y a encore une autre Bible, ça ne peut pas se retrouver, ça se trouve là, ça se trouve là, ça se trouve là. Pardon. Normalement, voilà là le lieu de Marc fini. Normalement, voilà là le lieu de Marc fini, ça finit là. Subitement, on recommence encore au verset 9. Frère, lis le verset 9, voilà là-bas. Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait... Tu entends ça? Qu'est-ce que ça veut dire quoi d'après qu'on a dit, ils ont dit qu'il est ressuscité le matin. Ce qui n'est pas normal, parce que c'est après ce qu'on a expliqué là-bas, n'est-ce pas? C'est ce n'est pas ce qu'on a dit. Là, ce qu'on vient de dire, là, ce n'est pas ce qu'on vient de dire dès le prochain chapitre, dans le verset 1. Oui, c'est comme ça. Attends, il faut que le frère là, ça arrive bien dans son esprit. De lequel avait chassé cette fille. Attends, frère, attends, il y a quelque chose ici. Non, moi, je vous suis. Moi, je vais parler après. Non, le chat dit que ce qu'il vient de lire là, le verset 9, c'est parce que la Bible déclare depuis le verset 1 jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 8. C'est parce qu'on est en train d'expliquer. C'est pour ça que quand on a des livres, avoir les versets devant toi, ne pas seulement écouter. Parce que si tu écoutes, tu peux entendre sans écouter. Ouais. Donc, le verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, là-bas, c'est comme si la personne vient plusieurs fois. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie. On vient de dire, si la personne est décrite de façon chronologique, c'est-à-dire que si c'est la même manière, au même moment où on prend la plume pour écrire, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que s'il n'y avait plus ma plume, construction de décrit. Après, ça va dire au verset 1 jusqu'au verset 8 que Marie de Magdala. On dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie de mère de Jacques et de Salomé, achetait les raisons pour aller embaumer Jésus. En venant, des choses. Après, ce temps, il s'est dit que Jésus a ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à Madrid, Magdala et tout. Maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. D'accord, frère? Ce qui ne va pas, c'est la virgule. Maintenant, tu veux que toi, tu me lis avec ce qui est écrit là-bas au verset 9. Tu me lis avec la... Allons-y, lis. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie de Magdala. Arrêtons d'abord, relis encore. Jésus étant ressuscité. Non, c'est ça le problème. Il y a un problème. La lecture, parce que tu ne regardes pas ce qui est écrit là-bas. Dans la virgule. Il y a une virgule. Oui. Jésus étant ressuscité le matin. Tu as vu maintenant ce qu'on dit? Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, apparu à Marie de Magdala. Donc d'après cette virgule-là, Jésus est ressuscité dimanche. N'est-ce pas? Ça veut dire que ça fausse tout ce que Jésus avait dit. Tout. Ce problème-ci, ça fausse tout ça. Parce qu'il avait dit qu'il devait passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de l'humanité. Donc ça pose problème. Mais ça pose problème comment? De vendredi à dimanche. Ça fait 3 jours et 3 nuits. Tu vas voir. Ça marche pas. Non, l'intervenu, ne vous inquiétez pas. Il a un cahier là-bas. Trace-moi un trait. Tu mets. Non, on ne peut pas compter ça comme ça. Par exemple, Lazare. Oui. Lazare, la Bible dit qu'il a fait 4 jours. Qui ça? Lazare. Oui. C'est lui qui était mort. On n'a pas dit 4 jours et 4 nuits, c'est différent. On n'a pas dit 4 jours et 4 nuits, c'est différent. Parce que 4 jours et 4 nuits, la corruption entre déjà. Et il sentait, la Bible va même plus qu'il sentait déjà. Donc il avait duré plus que Jésus-Christ dans le tombeau. Il a fait 4 jours. Oui. Maintenant, au fait, le problème que nous devons comprendre, la mort de Jésus-Christ, au fait, la vie de Jésus-Christ était déjà écrite dans l'Ancien Testament. Oui. Était écrit dans le Saint-Testament. Oui. Donc, ce que Jésus-Christ a fait, c'était juste l'accomplissement de ce qui était passé. Oui. Même je vais parler ça une autre fois. Oui. Lorsque, si on vient dans le Lévitique, lorsque Dieu institue le sacrifice, et il institue directement le sabbat, il dit que au milieu de la nuit, vers le soir, l'agneau sera immolé, et vous la mangerez. Oui. Et le lendemain du sabbat, Vous allez brûler les choses, tout, là, vous allez... Ne t'aventure pas sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Bon, c'est mieux qu'on dise. Non, non, attends, ce que tu viens de dire, suis attention, ne maîtrise pas. Dans Lévitique, on peut lire dans Lévitique. Là-bas, c'est très difficile. Non, non. Même là où il en est, c'est comprendre. Attends. Ce que tu viens de dire, tu ne t'aventures pas sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Il faut d'abord comprendre comment Dieu compte les jours et la nuit, d'abord, d'accord? Comment il compte? Nous sommes quand? Nous sommes dimanche. Quand tu dis demain, tu as dit demain à partir de quel moment? Demain à partir de ce repas. 0-1. C'est pour ça que vous comptez. Demain, par exemple, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Oui. Demain, lorsqu'on commence, par exemple, nous sommes demain. Ok, donc. Selon, par exemple, ce que le calendrier ici. Chez les Juifs, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Enfin, c'est pour ça, c'est déjà différent. Il veut d'abord que, quand on va finir de comprendre pour le calendrier ici, on va rendre le calendrier juif pour qu'il explique ce que tu as dit entre les deux soit là. D'accord. Maintenant, quand tu dis, par exemple, les 7 jours de la semaine sont comment? Allons-y. 7 jours par semaine, oui. De lundi à samedi, de lundi à dimanche. Donc ça veut dire que quand tu dis lundi, le lundi est quoi donc pour toi? Dans le premier jour, si on prend d'après le calendrier romain. Ah, mais je sens de parler de d'après ton calendrier, ne va pas parler de calendrier que tu maîtrises. Non, moi j'utilise le calendrier romain, je peux le voir. C'est d'accord, le premier jour. Alors, mais si on prend le calendrier juif, non, pas le calendrier juif. Le premier jour de non, semaine. Non, comprenons d'abord ce notre calendrier, ce qui est simple, qui est accessible. C'est voilà, c'est le premier jour de la semaine. Voilà, le premier jour de la semaine, ça commence quand? Lundi. Ça commence à 0 à minuit. À minuit. Mmh. Et ça finit quand? Ça finit le 23-59. Ok, maintenant. Dieu dit, il dit que la terre soit et la terre fut. Il dit que la lumière, il sépare la lumière, il appelle le ténèbre. Mmh. Ça fait jour 1. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ça fait jour 1. Oui. Donc c'est une noisseur, une clartée qui font un jour. Oui. Dans notre calendrier, c'est un soir, c'est une clartée, un soir qui fait un matin, un jour. Exactement. Tu as vu la différence? Mmh. Donc nous comptons de la clarté à la nuit, et compte de la nuit à la clarté. Tu vois la différence, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 12, qu'on a le verset 38 à 40, il dit de même que Jonas passa 3 nuits et 3 jours dans le sein de l'homme, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Comme il a dit 3, c'est 3. Donc il faut qu'il y ait 3 obscurités. 3, c'est ce qu'il a dit. Sinon, ce n'est pas 3. Maintenant, c'est ce que je viens de dire là par rapport à Lévitique et Exode qui a parlé des 3 et des jours. Allons maintenant au niveau de l'agneau pascal. Explique-nous ce que tu as dit avec entre les deux soirs et puis on va y venir. Tu vas voir la correction qu'il y avait. Tu expliquais comment? Parce que... Sur l'agneau pascal, fait, le problème de Jésus-Christ se résume sur ça. La Pâque, c'était institué le jour. Donc, il faudrait aller dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Il y a 12 à partir du verset 10. Merci Frère Jumeau, parce que moi j'ai déjà discuté de ce sujet. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays. Avant de lire ça, je vais relire d'abord les fêtes que Dieu avait constituées aux prophètes d'Israël. Parce que la mort de Jésus-Christ, au fait, c'est ça même le plan. Lorsque on vient. Tiens, lui dit deux choses différentes. Il y a plusieurs choses que ça complète Jésus. Mais pour la mort, c'est autre chose. La mort, la durée de la mort, c'est autre chose. Il n'y a qu'une seule personne qui a prophétisé sa mort et sa résurrection. C'est Jonas. D'accord, frère? Suis attentivement. Il n'y a qu'une seule personne qui a prophétisé sa mort et sa résurrection. C'est Jonas. C'est pour ça que chaque fois, il a donné que le signe là, c'est ça. Donc, dans les fêtes et autres là-bas, il n'y a pas la mort de Jésus. Bien sûr, il y en a. Ah, hein? Il y en a. Il dit qu'il n'y a pas sa mort et sa résurrection. Non, mais le type. Voilà, le type, c'est là, mais pas la mort. Le type de fête là, faire l'allusion. Parce que, voilà pourquoi même le juif, d'après ces fêtes. Oui. Que Jésus-Christ a fêté. Oui. Il leur reste deux fêtes. Oui. Ils ont fêté la Pâque avec Jésus-Christ. Oui. Ils ont fêté la fête. La fête de prémices, c'est ce qui s'est passé le jour de la résurrection de Jésus-Christ. La jambe agitée. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a le cette jambe agitée se faisait après le sabbat. Voilà pourquoi vous allez voir qu'après le sabbat, Jésus fut ressuscité. Pourquoi? Pour exprimer la jambe agitée qui fut agitée après le jour du sabbat. Regarde, suis attentivement à ce que ça veut dire. Toutes les fêtes de l'Éternel qui sont dans la Bible et toutes les prophéties de la Bible parlent du Seigneur Jésus. Mais la mort et la résurrection, la durée, il n'y a qu'un seul prophète qui l'a prophétisé. C'est Jonas. L'intervalle, tu vas dire, ok, après cette fête, viens telle chose. La durée de l'enterrement du Seigneur Jésus, c'est Jonas qui l'a fait. Il a fallu que quelqu'un meure parce que Jonas a dû mourir. Moi, le problème, je ne sais pas, je ne cherche pas à comprendre si c'est l'heure, le jour, quoi. Mais moi, ce que je veux juste comprendre, c'est que de la même manière se passait les fêtes, c'est de la même manière que la mort, là où c'est juste que c'est lui. C'est-à-dire que le soir, Jésus-Christ a passé la fête, c'est-à-dire il a institué la sainte scène. Ils ont fait le sacrifice, l'agneau a été immolé. Le lendemain, on a agité l'arbre qui est le sabbat. Après le sabbat, ils ont fait la fête de prémices. Et 50 jours après, ils ont fait la fête de Pentecôte. C'est dans le sens que moi je vais comprendre. Non, non, ici, donc, non, moi, ici, non, ici nous parlons de sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ est ressuscité après le sabbat. Oui, après. Moi, dans le sens que je comprends. Après le sabbat, il y avait deux sabbats le jour de sa mort. Tu savais ça? Non. C'est ça le vrai problème. Et c'est donc ça, c'est ça le problème. Non, ne dis pas ce que je ne connais pas. Il y avait deux. Bon, on peut lire. Montre-moi peut-être que je ne voyais pas dans la Bible. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas devoir écouter l'enseignement beaucoup parce qu'il faut du temps pour t'expliquer cela. D'accord? Bon, maintenant, le sabbat, suis attentivement. Maintenant, je crois qu'il va t'expliquer. Comme tu as lu l'entête, je vais aller rapidement. Le sabbat, quand tu parles, c'est quoi? Le sabbat. Que Jésus est le sabbat, c'est quoi? C'est le sabbat institué par Moïse. Non, non, ça c'est le sabbat institué par Moïse. Oui. Il y a combien de styles de sabbat déjà que tu connais? Les styles de sabbat, moi je sais que le sabbat que Dieu avait institué, le jour du samedi, tu ne pouvais pas exercer un travail. Non, non, suis attentivement. Que Dieu avait. Ça c'est le samedi. Ça c'est le sabbat hebdomadaire. Il y en a plusieurs sabbats. C'est le sabbat que je parle. Ah, c'est ça que tu parles. Donc il y avait ça, il y avait un autre sabbat encore dont la Bible parle. Donc pour cela, non, il faut. Donc dès que je vais répondre rapidement là. Je vais aller rapidement te montrer les différents sabbats dans la Bible. D'accord? Donc, il y a au moins 7 sabbats différents. C'est voilà la chose qu'il faut avoir. Avant d'arriver dans la Bible, il faut d'abord connaître. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir. C'est pour ça que la personne fera te traduire cela dans ce Matthieu chapitre 26, là-bas, que après que les sabbats furent passés. Parce qu'il y a des sabbats qui sont des fêtes. Parce qu'on dit clairement qu'il y avait la fête des sabbats. Et chaque fête de Pâques et de Pain sans levain, il y a des sabbats. Oui. Tu sais ça, n'est-ce pas? Il y a le sabbat le 21, le sabbat le 27, n'est-ce pas, mon cher? Le 21 et le 27. Oui. Dans notre calendrier. Non, le sabbat. Comment il parle de sabbat? Ah, le 21 jura, oui. Hein, mon frère? Ok, donc maintenant tout à l'heure, on va y arriver doucement. Donc, le premier jour des pains sans levain, c'était. Le jour de sabbat, la Pâque. Non, dans le cadre général. Le premier jour des fêtes sans levain, c'est le sabbat. Donc, tu vois que ce n'est pas un samedi. Donc, le premier jour de cette fête-là, que ça tombe dimanche, que ça tombe lundi, c'est un sabbat. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a deux sabbats, le moment où Jésus meurt. Parce que durant cette période, il y a les sabbats. Il y a les sabbats durant cette période de la semaine, il y a le sabbat hebdomadaire. D'accord, mon cher? Je vais aussi faire allusion sur ça, le premier jour de la semaine. Donc, après le sabbat, intervient le premier jour de la semaine. Non, il y a problème. Je suis attentivement. Comment il va faire comprendre ce problème? Le sabbat du samedi, c'est un sabbat qui est fixe. Qu'on connaît que le sabbat est comme ça là. Voilà. Mais il y a un autre sabbat qui est le grand jour, qui est une fête. Alors, c'est le quoi qu'on se met là, il y a un blanc. Matthieu, Jean, j'ai fait le 19 rapidement. Jean, j'ai fait le 19. Quand tu y es là maintenant, quand tu as ouvert, il vient seulement dire ceci et il va sortir de ces choses. Rédacte sur moi. C'est comme pendant qu'il parle de donner le passage. Tu as dit que. Le sabbat, quand tu vois le sabbat samedi, tu viens d'annoncer qu'il y avait deux sabbats, n'est-ce pas? Le sabbat samedi, c'est un sabbat que ce samedi-ci, c'est le repos parce que c'est le même. L'autre samedi, encore, va se reposer. L'autre samedi, va se reposer. Maintenant, regardons. Verset, lis le verset 31. Allons-y. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, ce jour de sabbat était un grand jour. Tu vois comment le Saint-Esprit écoute? Il dit, et ce jour des sabbats était un grand jour. Donc l'autre ci, c'est la fête. C'est pas le jour de samedi. Tu as vu ça, mon cher? Regarde très bien. Donc regarde bien. Les jours du sabbat hebdomadaires, on les connaît. Mais le sabbat qui correspond à la fête, il faut la préparation pour cela. Vous suivez? Ici, là, laissez les gens, la femme l'a fait aussi. Ici, c'est intéressant là maintenant. Et regarde, verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Donc il est mort un jour de la préparation, n'est-ce pas? Car c'était la préparation. Je veux toute ton attention. Donc, si on prend ceci et qu'on comprend ce sabbat, c'est comme c'était le samedi, ça veut dire qu'on se retrouve ici jeudi. n'est-ce pas? Mmh. Ça veut dire qu'on se trouve jeudi et vendredi dans cet intervalle-là. Parce que si on ne veut pas que ça emporte le jour du sabbat, suis attentivement. Suis attentivement. Tu vas voir là où le problème se trouve. Si on regarde ici, comme il dit encore, concernant ce qui s'est passé comme le sabbat samedi, mmh. alors on se trouve ici la veille du sabbat, qui est vendredi avant 18h. N'est-ce pas, mon cher? Mmh. Avant 18h. Et par conséquent, c'est un jour de préparatif pour pouvoir préparer pour entrer dans ce sabbat-là. Oui. Et par conséquent, jusqu'à serait mort un vendredi avant 18h. Ça, c'est clair que dans l'intervalle de 15h à 18h, oui. dans cet intervalle-là, dans cet intervalle de 15h à 18h, on le met au sépulcre avant le sabbat. Mmh. Et subitement, on entre dans le sabbat. Parce que le sabbat entre, commence à partir de 18h. Oui. Et là, de 18h du samedi. Toi, tu avais refusé. Non, je ne suis pas d'expliquer que c'est la chronologie. Ce n'est pas ça que je suis d'expliquer. Je suis en train de dire que si on prend le sabbat, c'est comme samedi. Il voulait montrer que ce n'est en fait, pas ça. Entre le samedi, il y avait un sabbat avant ce jour-là. Si j'ai compris de ce sabbat que vous parlez. Ok. Maintenant, ce sabbat s'est annoncé dans le Lévitique, par les fêtes là-bas, comme le grand jour de fête de l'Éternel, où on devait sonner des trompettes. Parce que dans Marc chapitre 14, la Bible déclare que vous savez que la fête des pains sans levain a lieu dans 2 jours. Et que le Fils de l'homme sera lui. C'est donc, et durant ces fêtes de 7 jours-là, il y a des fêtes solennelles. Ce sont ces fêtes-là, ce sont qu'on appelle le sabbat, la fête du sabbat de l'Éternel. Et ce sabbat, c'était le jour, donc on appelle le grand jour, donc c'est le grand jour de fête chez les Juifs. Ceci n'a rien à voir avec le sabbat hebdomadaire. Donc, si j'ai bien compris, le sabbat dont on parle ici, n'est pas le sabbat du samedi. Ça n'a rien à voir, parce que le sabbat du samedi n'est pas un grand jour. Regarde. Après la version, on parle du premier jour encore. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Ouais. Regarde, verset 31, on suit encore, regarde. Ouais. Dans la crainte que le corps ne se restât sur la croix pendant le sabbat. Et regarde, car c'était la préparation. Donc le corps était là à la préparation. Et ce jour du sabbat était un grand jour. Donc ce n'est pas le jour, c'est pas le sabbat. On avait dit que ce n'est pas le sabbat hebdomadaire. C'est un jour de sabbat qui est une fête. Donc alors, ça veut dire que le corps de Jésus-Christ était enlevé du tombeau à la veille d'une grande fête. Oui. Et la seule grande fête, c'était la grande fête qui se trouve dans ces 7 jours, les fêtes des pains sans levain. Ça veut dire qu'il faut reculer un sabbat derrière, après le sabbat du samedi, là. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une autre fête avant, et il y a un sabbat avant samedi. Vous aurez le problème là maintenant. Donc ça veut dire que Jésus n'a pas été mis en tombeau un vendredi. Oui. C'est automatique là maintenant. Parce que, quand on prend ça, on parle de veille de sabbat, parce qu'on a cru que le sabbat, on parle de sabbat hebdomadaire, c'est samedi. Tu vois? Et donc, maintenant, si tu prends ceci, ça veut dire qu'on était vendredi. Donc, on a parlé plutôt, le jour ici, c'est un grand jour, donc c'est une fête. Donc, en clair, on laisse d'abord samedi de côté. Il s'agit d'une fête. Donc, ça veut dire que c'est à la veille de cette fête-là que le corps de Dieu a été mis au tombeau. C'est donc pour cela qu'il y a eu un repos. Après que les sabbats furent passés, ils partent maintenant au tombeau. Voilà. Il y a le sabbat de la fête et le sabbat du samedi. Ils partent là-bas, ils se rendent compte que le corps était ressuscité. Parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler le jour du sabbat. Oui. Voilà. C'est compris maintenant. Voilà. Rentrons maintenant dans la marque, maintenant on lit quelque chose. Donc tu auras le temps de lire, de suivre l'enseignement dont je viens de parler. Parce que j'ai bien expliqué là-bas avec les fêtes dont tu viens de parler là maintenant. Je ne sais pas qu'on est aussi étant encore. La première chose à faire comprendre aux gens, c'est qu'il faut toujours savoir là où il y a erreur. En fait, l'écriture en fait, n'a pas d'erreur. L'écriture n'a pas d'erreur. Quand tu prends n'importe quel type de la Bible, ça va s'écouler, ça va coller. Maintenant, le Seigneur Jésus lui disait, quand on a lu tout à l'heure Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 17, où il y avait le cas de Moïse là. Quand ils vont descendre sur la terre, en parlant, il a dit que, les dites cette vision, après que Christ soit ressuscité, que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort, ils vont demander, qu'est-ce que c'est que ressuscité de mort? Quand ils vont vouloir entrer à Jérusalem, il va dire que voici nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Ils se moqueront sur lui, ils cracheront sur lui. Mais 3 jours après, faites attention, 3 jours après, c'est que 3 jours après. Donc après, 3 jours. Il n'a pas dit pendant 3 jours. D'accord? Donc il faut que ce soit 3. 3 jours doivent être accomplis pour qu'il sorte. Pas avant. Alors, Marc, encore maintenant, chapitre 16, mon cher frère. Je veux que on relise encore le verset 9 là. Tu lis avec la virgule qui est là-bas. Quand on va déplacer la virgule, tu vas voir ce qu'il en est. Allons-y. Après, quand je vais te regarder, tu vas me regarder, tu vas me poser la question qui est normalement posable à l'issue de cela. Verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Voilà. Maintenant, ça veut dire, tu as vu, lis aussi avec la virgule, là, je veux voir le son, comment on lisait. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Maintenant. Laquelle c'est bon. Cette regarde, frère. La virgule se trouve entre Jésus et étant. Tu as remarqué, hein? Oui. Déplace la virgule maintenant entre ressuscité et le. Alors, mets la logique là-bas un peu. Jésus étant ressuscité, mm-hmm. le matin du premier jour de la semaine. C'est ce qu'on a dit au verset 1. Parce que l'ange lui a dit qu'il est ressuscité, il n'est point ici. On n'a pas dit qu'il est ressuscité maintenant. On a, parce qu'ils sont, partis dimanche matin pour où pour, parce qu'ils s'attendent de voir son corps là-bas. On lui donne le renseignement qu'il est ressuscité. D'accord? Maintenant, il est ressuscité. Donc, avant qu'il ne vienne, il est ressuscité. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, le verset 9 et le verset 1 et suivant, pour concorder de la Bible, doit se déplacer là-bas. Il dit donc, Jésus, parce qu'ils sont venus, le disciple lui a dit qu'il n'est point ici, il est ressuscité. Donc, étant ressuscité, donc, le dimanche matin, c'est d'abord présenté à Marie de Magdala, parce qu'il était ressuscité. Après la résurrection, il s'est présenté à Marie de Magdala en premier lieu. Maintenant, on revient encore plus haut, n'est-ce pas? On revient plus haut. Lorsqu'on dit que lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des bombes afin d'aller embaumer. Je crois que je vais avoir écouté dans les enseignements parce que j'ai lu ceci et dans le livre de Matthieu, dans le livre de Jean qu'on a lu tout à l'heure là, on voit qu'après qu'elle a acheté, rentrons encore là-bas. Rentrons dans Jean là qu'on en était. Vous allez mettre fini sur la thèse là. On y va. Faites me demander c'est vraiment qu'on passe rapidement, on lit. Tu poserais aussi la question concernant les dîmes, non? Non, ça trop long. Et ça? C'est la trop long. Quelle alliance? On prie d'abord. Enfin, si on va parler encore de la parole, on parle après. Enfin, c'est pas que la dîme. On y va. On est tout dans, nous sommes dans Jean chapitre 19 là, n'est-ce pas? Jean chapitre 19. Avançons. Chapitre 19, on a lu tout à l'heure le verset 31. Il relise le verset 31 en continuant la lecture, ce qu'il veut dire. Toujours le verset 31. Mm-hmm. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompit les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Je continue? Oui, continue mon cher. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, elles verront celui qu'ils ont percé. Verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloïs. Il le prit donc. Le corps de Jésus, il enveloppa des bandes avec les aromates, comme c'est la coutume de s'évenir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs. Oui. Parce que les sépulcres étaient proches. Voilà, à cause de la préparation, ça suppose que l'heure, s'ils ne faisaient pas ça rapidement, ils devaient tomber dans l'heure de sabbat. Oui. N'est-ce pas? Oui. Je veux que tu gardes vraiment ceci à l'esprit. Il dit la crucifixion lui ici. Le corps de Jésus a été pris rapidement, mis au tombeau qui était près de la crucifixion à cause des préparations, parce que ça devait c'était proche. Donc, ils n'avaient pas le temps pour porter le corps de Jésus pour aller quelque part, à une distance. Non, il devait entrer dans le sabbat. Or, d'après le sabbat, il ne faut pas faire ces choses. Matthieu chapitre 26. Regardez rapidement. Prenons chapitre 27 de Matthieu. Vous voyez que chaque fois, il faut prendre ces choses partout pour les voir maintenant au clair. Gardons-nous à l'esprit que, on a dit dans Marc chapitre 16 qu'il partait très tôt le matin à la suite pour prendre le bain, aller faire. Et ils ont trouvé cela. Matthieu chapitre 6. Prenons chapitre 27. Prenons 27, oui. Sur la résurrection. Oui, vous y êtes, dès que vous y êtes arrivé, lisons à partir du verset 56. Verset 56. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Continue. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceau blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala, l'autre Marie, était là, assise vis-à-vis du sépulcre. 62. Stop. N'est-ce pas, quand tu lis, tu prends en compte ce qu'on a lu dans deux récupérations. On a continué, j'ai répété pas trois fois, que Nicodème a pu le commettre là-bas à cause du fait que le temps pour entrer dans le sabbat était proche. N'est-ce pas? Et on dit que ce jour qu'il a fait ça, c'est le jour de préparatif. Chacun fait ses préparations pour que le sabbat le trouve prêt. Continuons la lecture. 62. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Stop. Tu as entendu ce qu'on a dit là-bas? Le lendemain qui était? Le jour après la préparation. Ça veut dire qu'on est où? Le jour avant la sabbat. Le jour? Avant le sabbat. Non, comment tu dis encore comme ça? Suis. Tous ces événements se passent. Le Seigneur qui est à la croix, parce que ce jour, c'était la préparation. On le met. Là, les gens se souviennent que Jésus, de son vivant, avait dit qu'il va ressusciter. Ils avaient bien compris. Ils viennent voir maintenant Pilate en disant qu'envoie des gardes pour qu'ils partent mettre là-bas ce jour-là. On dit le lendemain. Ah, le jour. Le lendemain qui était le jour après. Après la préparation. Donc, après le sabbat. Ah, non. Si. Dans Jean chapitre 19. Après la préparation. Si c'est après la préparation, ça veut dire qu'on se trouve de quel jour donc? Dans le sabbat. Comment tu fais aujourd'hui? Puisque la proximité de la croix au sépulcre, on a mis ça rapidement parce que l'heure de la préparation finissait. Et on devait entrer dans le sabbat. On dit donc le lendemain du jour de la préparation. Le lendemain du jour de la préparation. Donc, préparation de quoi? De cette sabbat-ci. Donc, ce lendemain-là du jour, de ce jour-là, donc on est en plein sabbat. C'est là où il vient voir Pilate pour lui dire. Envoie des soldats, ils ont continué. Continue. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après trois jours, j'ai ressuscité. Tu vois, donc ils ont compris que c'est après trois jours qu'ils se souviennent que je vous avais dit. Donc ils voulaient aller garder, pour être sûr que quelqu'un n'a pas venu voler le corps pour dire qu'il l'a ressuscité. Comment l'homme peut vouloir combattre Dieu? Mais je veux qu'on s'arrête ici, parce qu'on va quitter ici encore une fois, aller dans Marc, ça va nous amuser encore davantage. Ça va nous amuser, d'accord? On résume. Ils achètent des armoires à quel moment? Ils achètent... Regardez comment mes doigts sont. Gardez le doigt dans Marc. Marc, chapitre 16. Ne quittez pas, parce que nous allons commencer. Matthieu, Marc, chapitre 16. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Suis attentivement. Lis le verset 1. Vous pouvez pas passer comment ça arrive. Ça te fait rire, n'est-ce pas? Marc, chapitre 1. Allons-y. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller en bonne Jésus. Ok. Non, doucement. Donc, puisqu'il ne peut pas acheter des aromates le jour du sabbat, parce qu'aucune boutique n'a ouvert ce jour-là, ils ont acheté, donc d'après ce verset, ils ont acheté. Non. Regardez bien. Vous ferez mieux de garder les écritures devant vous. Verset 1. Verset 1 encore. Achetèrent sur présent. Attends, suis. Lis le verset 1 encore. Lorsque le sabbat fut passé. Voilà. Donc, telles personnes ont acheté. Donc, ils ont acheté leur aromate. Après le sabbat. Non, non, non. Écoutez bien. Ah. On a dit après le sabbat. Ils ont acheté. Donc, le problème, c'est à quel moment ils ont acheté. Après le sabbat. Voilà. Oui, c'est ça. C'est après le sabbat. Ok. Parce que, gardez bien l'esprit, parce que c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a deux sabbats, c'est le vrai problème qui se trouve ici. Donc, on est à la préparative, d'un jour qu'on appelle préparation. Donc, préparation, ce n'est pas par rapport à la mort de Jésus. Oh. Mm. C'est par rapport parce que ce grand fait-là, il faut se préparer pour y entrer. Donc, normalement, ils font ça chaque fois qu'il y a ce grand fait. C'est la préparation, car ce jour, c'est un grand jour, ce sabbat, c'est un grand jour, et on était le jour de préparation. Alors, ils font ces préparatifs-là en attendant que le sabbat passe. Mais on dit que c'est après que le sabbat est passé qu'ils ont acheté les aromates, n'est-ce pas mon cher? Oui. Je veux que tu me regardes dans les yeux. Oui. Ils achètent l'aromate à quelle heure pour aller à 5 heures le matin du dimanche? C'est ça la question. Mais tu dois te poser, toi-même tu dois te poser des questions. Parce qu'il y a un problème. Pour moi, je n'ai pas besoin de savoir si c'est à 5 heures à l'université. Non, non. Les détails que le Saint-Esprit a donné, c'est pour que nous comprenions ce que les événements qui sont passés. Sinon, il ne dirait pas qu'à l'aube, très tôt, avant que le soleil ne se lève. Tu comprends pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Parce que nous, nous sommes de prendre encore le sabbat hebdomadaire. Parce que le sabbat hebdomadaire, parce qu'ils ont acheté, suis attentivement. Lorsque le sabbat fut passé, ils achetaient les aromates. Pour aller se rendre maintenant au sépulcre. N'est-ce pas? Le sabbat passe. Samedi passe. Parce qu'il ne peut pas acheter ça samedi. Bien sûr. Si le sabbat passe, il se trouve quand? Dimanche. Mais ils ne sont pas au sépulcre à quel moment? La lobe. Tu dois te poser le nom. Dans ce cas, tu dois te poser les bonnes questions ici. N'est-ce pas? Oui, ok, donc allons voir le problème. Non. Chapitre 24 de Luc. Chapitre 23 de Luc. Et puis quand il venait, ça veut m'arrêter. Il ne parle plus rien. Luc 24. Non, prenons le chapitre 23, lisons quelque chose. Lis à partir du verset 50. Verset 50. Jusqu'au dernier. Oh, attendez que je c'est lui. Lui, il s'appelle David. D'accord. Il s'appelle David. Je rends grâce à Dieu qu'il ait dissimulé ces choses dans les Écritures comme ça. Bien, oui. Il est dissimulé comme ça pour donner que ordonner. Luc 23, verset 50 au dernier. Allons-y. Il y avait un conseiller nommé Joseph. Homme bon et juste. Il n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Donc le Saint-Esprit de l'exclure de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et le montre exactement comme un disciple du Seigneur Jésus-Christ qui croyait au Seigneur Jésus. Ce sont les termes de Dieu. Or, quand vous avez lu dans les autres passages, on n'a pas dit ça. On en est d'amplifier cela sur sa personnalité. Continuons. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Pour montrer clairement qu'il avait l'expérience de la résurrection. Oui. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Oui. Il est descendu de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, ouais, on dit chaque fois le Saint-Esprit met l'accent sur cet aspect-ci. Oui. C'était le jour de la préparation. Donc, quand le Saint-Esprit met l'accent sur cela, une, deux, trois, quatre fois, il attire notre attention sur quelque chose, n'est-ce pas? C'était, regardez encore, n'est-ce pas? Ça va encore nous faire rire là-dedans. C'était le jour de la préparation, d'accord? Et le sabbat allait commencer. Allons ici. 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. 56, mon frère. Et son étant retourné, elles préparèrent des aromates et des parfums pour elles se déposer le jour du sabbat. Voilà. Amen. Là, c'est clair. Tu avais un problème. Tu avais un problème là-bas. Si tu ne vois pas un problème, c'est que tu as le problème. Tu as le problème. Ok, donc va dans le côté de l'enseignement, d'accord? C'est quel Jésus sais-tu? Que Dieu te bénisse, d'accord, frère? Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on a admis. Comment les prophètes authentiques ont admis que ce n'était pas ça? En véhiculant comme ça. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez autre chose. Parce qu'en réalité, on a hérité beaucoup de choses que, oh, Christ est mort vendredi, il est juste dimanche. Quand vous vous asseyez, ça commence à vous donner autre chose. La Bible commence à vous donner sa part de version de fait. Et c'est sa version de fait qui est juste et vraie. Mais qu'en est-il du premier jour de la semaine? Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Ça n'a pas changé, que ce soit dans le calendrier jusqu'à la maison. Le premier jour, ce qu'ils appellent le premier jour de la semaine, c'est dimanche pour nous. Mais pourquoi les chrétiens d'autrefois, c'est, disons les premiers disciples, oui, commençant à la naissance de l'église, ils ont commencé à se réunir. Je te vois venir là-bas maintenant. Je te vois. Le dimanche, Paul n'était pas là où l'église bon, attends. Non, il n'y a pas de problème. Consacré 7 jours comme le premier jour. Non, non, on n'est pas consacré, il ne dit pas ainsi. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes dimanche. Ici à Tanger, non? Il y avait une loi qu'on se réunit aujourd'hui. Non. Hier, on était réunis, non? Oui. Il y avait une loi qu'on se réunit. Non. Il faut comprendre encore la pensée juive derrière ces choses et ce que Dieu est en train de faire. Les premiers chrétiens ne se réunissaient pas toujours dimanche. Non, si tu veux. Le premier jour, c'est dimanche, ça n'a pas changé. Le premier jour était toujours premier. Le premier jour dont on parle dans la Bible, le premier jour, nous sommes réunis pour rompre le pain, c'est dimanche dont il est question. D'accord? Donc, ce n'est pas une tradition que les premiers chrétiens se réunissaient le dimanche. Parce que là, maintenant, il peut aller dans la Bible, là, maintenant, il te montre là où ils se réunissaient, le samedi aussi. C'est, les gens qui soutiennent le sabbat disent que voici les premiers chrétiens ont observé le sabbat. Ils partent d'Actes aux Apôtres, ils choisissent les versets où ils se réunissaient le samedi, ils disent voici ça. Entre temps, les tendances disent maintenant que le sabbat, les juifs, là, le samedi, c'est terminé, c'est venu un dimanche. Ils peuvent aussi sélectionner les versets de ces mêmes Actes des Apôtres où se réunissaient dimanche pour dire que, ok, comme Jésus-Christ est notre résurrection, nous maintenant, c'est pour ça qu'on se réunit, je ne sais pas ça. Maintenant, je peux encore aller là-bas, il te montre que le samedi, le dimanche, il te montre que chaque jour, parce que la Bible dit que tous les jours, ils persévèrent dans les enseignements des apôtres. Amen. Les jours où ils mentionnent d'assembler des faits bibliques, c'est oui, le premier jour. Non, c'est pas seulement le seul jour. En dehors de ce premier jour, tu peux pas voir, par exemple, le deuxième jour, on a fait telle chose, ou non. Selon non, le premier jour, il parle que non, le premier jour, c'était réuni, on a fait par exemple la fête, on a donné le pain. Voici le problème. Comment ça se passe? Voici le problème, mon cher. Suis attentivement. Voici le problème. C'est parce que quand tu vois dans les Écritures, voilà les Écritures, c'est les deux jours qui sont mentionnés pour pouvoir s'y passer parce que c'est le début et la fin de la semaine. C'est à cause de cela. C'est à cause du début et de la fin. L'alpha et l'oméga. On n'a pas besoin de préciser mardi, mercredi, jeudi ou autre là-bas. Donc, ce n'est peut-être pas une connotation pour dire que les chrétiens devaient se réunir le premier jour. D'accord? Parce qu'en réalité, les chrétiens ne sont pas assujettis au jour. C'est ce qu'il en est. Donc, en fait, je comprends ce qu'il en est parce que j'ai raconté cette pensée-là. C'est que c'est pas pour dire que c'est parce que Christ est ressuscité le premier jour que les disciples sont ressuscités le premier jour. C'est pas cela. Et d'après ce que l'on vient de voir ici, Christ n'est pas ressuscité. C'est pas ressuscité le premier jour. C'est d'abord faux. C'est faux. Donc, je crois que on va causer. Quand tu vas écouter, tu vas nous écrire. On va causer pour voir ce qu'il en est. Oui, mon cher. En vous écoutant parler, vous avez dit que le premier jour, c'est dimanche. Non, c'est pas moi qui dis, frère. C'est comme ça. Ça a été toujours comme ça. Là. Même depuis la création, le premier jour, c'est dimanche. Correspond à dimanche dans notre calendrier. Mais dans cette parole aussi, il y a une partie où on dit que l'homme a 6 jours pour faire son ouvrage. Et oui, le 7e jour, c'est le sabbat de l'éternel. Oui. Bon, le 7e jour, si le premier jour, c'est dimanche. Donc le 7e jour, c'est un samedi. Oui, c'est ça, non? Justement, c'est samedi. Samedi, c'est le 7e jour. Ça va, c'est toute la question. Non, je devais te compliquer la question là maintenant, là, c'est ce que tu t'es déjà dit là. Donc le premier, c'est pour cela que le diable a déplacé le premier jour à lundi. Tu demandes à un enfant de l'école primaire que c'est le 16 jour de la semaine, il commence naturellement par lundi. On a déjà répété ça en feu, en répétition. Ça fait quand tu dis à quelqu'un que le 7e jour de la semaine, il dit dimanche. Le 7e jour de la semaine n'a jamais été dimanche, c'est samedi. D'accord? Maintenant, c'est quand même curieux que les chrétiens regardent tous les types. Après qu'elle a reçu la résurrection, il rate le vrai type du maître du sabbat. C'est quand même curieux que le fils de l'homme est maître du sabbat. Et que le jour du repos, c'est le jour du sabbat. Et que celui qui dit venez à moi et je vous donnerai du repos, ressuscite plutôt dimanche. Ça n'a pas de sens. Donc, on continue. D'autres questions? Il y a des questions, frère? Si vous n'avez pas de questions, moi, il vous en pose, oui. C'est un peu concernant le mariage. Tu as vu l'homme, le bon mari. Je dirais les veuves, pardon. Oui, les veuves. Les veuves, parce que moi, personnellement, je déteste vraiment, j'ai jamais aimé, même en étant cato, j'ai toujours détesté les coutumes. Oui. J'aimerais comprendre, est-ce que Selon la Bible, je veux comprendre quel genre d'esprit est derrière, en fait. Par exemple, dans la famille, on a une femme qui s'est mariée et le monsieur, son mari, on fait des rituels. Voilà, après des rituels, elle a fait tout ça. Hormis les rituels, donc j'ai une autre question aussi sur les rituels, mais je vais d'abord la première sur... elle a été mariée, ensuite, après la mort de son mari, on lui dit de rembourser la dot. On lui dit d'abord d'épouser le frère de son mari, sinon elle rembourse la dot. Oui. Et elle n'a pas voulu épouser le frère, bien sûr. Mais quand ils se marient comme ça, ils ont des enfants. Oui, ils ont des enfants. Okay. Et le fait de rembourser la dot, là, et... je sais que selon la Bible, on n'a jamais vu ça. Bon, je ne connais pas toute la Bible. Qui leur a d'abord demandé de prendre la Bible, la dot? Qui dit qu'il leur a d'abord demandé de prendre la dot? C'est pas Dieu. Ah, mais en tout cas, c'est pas Dieu. Ils ont dit que tu vas amener Dieu dans le jugement, comment? Donc, ça veut dire que quelqu'un, ils font leur coutume et ils vont dire que c'est notre tradition. Si c'est leur tradition, ils ont les lois dans leur tradition. Maintenant, lis ce que Jérémie chapitre 10, verset 3 dit. Après, n'oublie pas le deuxième volet de ta question, d'accord? Oui. Jérémie. Après, le prophète Isaïe. Évidemment, bien sûr, on va prier. Jérémie chapitre 10. Verset 3. Oui. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. C'est bon, tu as compris? Oui. Que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Souligne ça. Ouvre maintenant Isaïe. Isaïe chapitre 8. Lis le verset 19. Allons-y. Chapitre 8 d'Isaïe, le verset 19 dit quoi? Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Tu as entendu cela? Donc ça veut dire que ces choses ne doivent pas être là-bas. Il va même dire, ne craignez pas le signe du ciel parce que le peuple les craint. Donc, c'est que les traditions établies sont établies à partir des astres errants. Ils font leurs choses en adorant comme ça d'autres divinités. Pour le peuple qui craint Dieu, il doit suivre ce que Dieu dit. D'accord? Deuxième volet de la question. Les rituels, là. Oui. Mais ça, c'est automatique par rapport aux premières questions, n'est-ce pas? Oui. Parce que ce sont les rituels qui ont institué. Ces rituels-là, ce sont une tradition qu'on a transmis. On transmet. Parce qu'il y a des choses derrière, les êtres derrière qui sont adorés, voilà, qui font ça pour nous pousser derrière, pour être désobéissants à Dieu. Oui. Donc, en tant que compte, se trouve la désobéissance par rapport aux lois de Dieu. Parce que j'aimais pas ça, mais je savais pas aussi ce qui était dit dans la Bible. Maintenant, quand j'observe ce qui se passe avec les coutumes et je regarde avec la Bible, vraiment. C'est le monde et la nuit, le jour et la nuit. Parce que la Bible interdit par exemple à la femme de couper les cheveux. Oui. Comme on voit dans les rituels. Après, on coupe les cheveux. D'autres femmes vont en besoin, c'est l'enfant pendant 7 jours, bien 9 jours pour certaines. D'autres personnes restent dans le veuvage. D'autres, on les tape même avec les feuilles de banane, ainsi de suite. D'autres ne mangent pas carrément. Et plus grave encore, on dit qu'il épouse la femme de son frère. Je leur ai demandé, ils vont dire que c'est dans la Bible. Oui, c'est interdit. On peut pas le dire. Non. Parce que c'est interdit justement, parce que Dieu avait un but pour lequel il disait ça en Israël. Il disait que si ton frère meurt en n'ayant pas d'enfant, tu vois, la femme, le frère de cette fantôme-là doit prendre cette femme pour susciter une postérité à cela. C'est pour ça qu'il posait toute la question tout à l'heure là, que cet homme-là mourra avec l'enfant. Il dit oui, l'enfant c'est sa voix, il a une postérité. La femme, elle lit le livre maintenant de se marier avec qui elle veut. Tu vois cela? En fait, et Dieu faisait cela pour que les tribus d'Israël soient conservées. C'est comme ça pour que les tribus d'Israël soient conservées. Oui. Il m'arrive parfois, surtout quand je vois quelque chose qui n'est pas bien selon la Bible, d'avoir une colère face à cela. Oui. Et j'ai une franchise même devant la personne qui commet la chose, mais c'est pas en fait, je me rends compte que finalement, moi-même, normalement, je ne peux pas avoir cette colère-là. Il m'arrive très souvent d'être comme ça dans cet état. En particulier avec les femmes. Tu es en colère contre qui? Non, pas en colère contre la personne, mais contre l'acte que la personne. Mais c'est normal, c'est normal. C'est pour ça qu'il te pose la question si c'est contre la personne que tu es en colère. Non, pas contre la personne. Voilà, donc, parce que tu ne peux pas être en colère contre la personne, parce que la personne est en captivité. Et quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? C'est avec la Bible, le verset biblique que je parle à la personne, effectivement. Même si la personne s'est fâchée. Oui, je dis, moi, ce n'est pas mon affaire, j'ai parlé. Hein. Ok. Parlé, des questions. S'il n'y a pas de questions, on prend une pause de 5 minutes, on relance maintenant le tuyau. D'accord? On prend une pause de 5 minutes, d'accord? Une pause s'impose en danger s'il y a danger. C'est ça, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse à tout à l'heure.